Dieu soit la gloire. Quel numéro faire? 06. 06. Ça veut prendre des victoires. À Dieu soit la gloire, par son amour, dans mon âme, le noir s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu. Baissons la tête, on va prier. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci Dieu du ciel et de la terre pour le réveil d'aujourd'hui, pour la santé. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que malgré la tribulation, malgré les attaques de l'ennemi, tu es toujours avec nous. Tu as dit lorsque nous traverserons les eaux, tu es avec nous. Lorsque c'est au milieu du feu, tu es avec nous. Lorsque nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort, Père, tu traverses avec nous. Que toute la gloire te revienne. Je prie au Dieu de gloire que toi-même tu prends nos cœurs aujourd'hui et que tu inondes nos cœurs de ta présence, de ta parole. Ancre ta parole dans notre âme afin qu'elle fasse le délice de notre âme. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous attendons à toi maintenant. Nous prions au Dieu de gloire pour ceux qui sont en route et pour ceux qui nous écoutent de par le monde, Père. Pour tous ceux-là qui sont isolés seuls, te cherchant dans leur quête des révélations, nous prions, Père, que tu te révèles à chacun de tes enfants. J'ai prié au Dieu de gloire pour ces chrétiens dans les confins de la terre, ceux du pays arabe, ceux de la Sibérie, Père de gloire du Canada, tous ceux-là donc qui sont enfouis dans les brousses africaines, tous ceux-là qui t'aiment et qui te cherchent de tout leur cœur avec les moyens disposés à leur faveur. J'ai prié, Père, que tu te révèles à chacun d'eux au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions au Père de gloire pour tous ceux-là donc qui travaillent dans les champs de mission, qui entrent dans les profondeurs des ténèbres pour en dénicher des âmes telles que tu leur as confiées. Nous prions, Père, que tu les fortifies et que tu les utilises puissamment pour la gloire du royaume. Que ton nom se soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Salue quelqu'un dans la salle, doucement, en lui disant tout simplement que je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère. À la recherche. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, non? Frère, ça va? Donc demain matin, on est ensemble, c'est ça? Demain? Oui, demain 9h. Où ça? Chez toi, hein? Donc à 14h, je suis à la maison, n'est-ce pas? Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Ça va? Tu avais dit que tu devais me garder le yaourt aujourd'hui, non? Moïse. Ça à la maison. Donc je vais à la maison chercher le yaourt là-bas à la maison. Ça va? Ça commence. On a du temps pour parler. Vous vous sentez bien. Les enfants, veuillez vous asseoir sans déranger. Nous attendons le réveil. Le réveil arrive. Nous attendons le réveil. Le réveil arrive. Nous attendons le réveil. Le réveil arrive. Un réveil arrive. Le réveil arrive. Nous attendons le réveil. Nous attendons le réveil. Frère, s'il y a un moment glorieux où nous avons à vivre dans le plan de l'Église, c'est ce réveil-ci. Quand vous lisez la parole du Seigneur, vous remarquez que c'est prévu dans Éphésiens chapitre 4 que les chrétiens soient à l'unité de la foi. Pas vrai? Avec les groupes et les différences doctrinales qui se trouvent sur la terre, on se pose la question, comment ça va se faire? Pas vrai? Le réveil arrive. Quand le Seigneur promet quelque chose, il le fait, nonobstant les pensées humaines. Remarquez que lorsque le Seigneur a prévu, par exemple, qu'en Israël va sortir une sainte postérité. Il a, par exemple, prévu que les 144 000, là, ce sont ceux qui n'ont point touché de femmes, ils ne savent point trouver de mensonges dans la bouche. Mais avec notre temps d'aujourd'hui, on peut dire que quelqu'un qui n'a jamais forniqué, qui n'a jamais menti, non. Mais Dieu a dit qu'ils seront comme ça. Pas vrai? Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus est venu à une époque de confusion religieuse. C'est ça? Et ça a empêché qu'il sorte son peuple. Pendant que son peuple sortait, la confusion religieuse était toujours là, non? Il y avait toujours les Sadduciens, les ceci, les pharisiens, ainsi de suite. Pas vrai? Son groupe continuait. Nous sommes d'accord? C'est ainsi. Qu'adviendrait-il si... Écoutez très attentivement ce que je viens de dire avant qu'on entre. Je ne sais pas par où on va commencer encore aujourd'hui. Qu'adviendrait-il si le Seigneur sauvait déjà? Ils disent, mais c'est que le Seigneur dit ici, maintenant dans le groupe, si on en sait la même chose chez les pharisiens. Et si vous regardez bien dans les enseignements du Seigneur Jésus-Christ et ce que les disciples croyaient, il y a des aspects de vérité qui se trouvent chez les pharisiens. Et des aspects de vérité qui se trouvaient chez les sadducéens. Il y a des aspects de vérité qui se trouvent chez les hellénistes, chez tous les autres groupes et tous les groupes qu'ils ont. Chez les zélotes, il y en avait. Beaucoup avaient raison dans leur doctrine. Est-ce que les pharisiens avaient tort de dire que les anges apparaissent? Est-ce qu'ils avaient tort de dire qu'il y a résurrection? Mais est-ce que ça, c'est pour autant que Jésus a agréé leur groupe? N'est-ce pas les doctrines de leur groupe qui ont été les pieds d'achoppement pour reconnaître le Messie? Est-ce qu'ils ne connaissaient pas ce que devait faire le Messie? Ils connaissaient. N'est-ce pas ils citaient la Torah qui annonçait le Messie? Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Parce que le formatage humain, les traditions humaines avaient mélangé avec les choses de Dieu. Ça veut donc dire que quand le réveil arrive, Dieu met toutes les pensées humaines de côté et fraye son chemin. Ça veut dire que quand le réveil arrive, Dieu met toutes les... Enfin, encore avec le dernier de ces réveils-ci. C'est un réveil... Je ne sais même pas si même le terme réveil est bon. Vous savez ce qu'on appelle en anglais, on dit harvest. En français, ça veut dire quoi? Récolte. Voilà, c'est la grande et la dernière récolte. Donc, c'est le mot adapté là-bas. C'est la grande et la dernière récolte de la terre. Ça balaie là, ça met les gens à la maison. C'est terminé. Parce que les choses, ça s'accélèrent et ça s'accentuent rapidement. Donc, ce qui est en train d'arriver là, vont balayer les gens. Le vrai problème avec les gens, c'est que vous pouvez aller n'importe où, avoir un peu de rafraîchissement spirituel. Aller n'importe où. Vous savez, vous souvenez, dans la dernière fois, j'ai parlé ici du gourmand, là. La chose qui se greffe sur le café, ça tire la source. Tout tire les sources du Seigneur Jésus. Même les faux tirent les sources du Seigneur Jésus. Quand il n'y a pas de source, ça veut dire que les substances nutritives, ils tirent ça du Seigneur Jésus. Quand un faux pasteur vient chez toi, il t'annonce Satan. Hein? Quand ceux qui annoncent pour de l'argent, il annonce qui? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous lisez Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul parle de cela. Il dit que ceux-là, lisons cela, voilà. Philippiens chapitre 3. En 2009, j'ai dit, ce qui en est arrivé va faire l'état que les gens qui ont fait l'accident de circulation et qu'on a amputé les jambes, les mains, les nouvelles mains vont pousser. Vous avez dit amen et me regardez. Les gens, vous voyez les gens qui marchent, vous avez vu dans les télévisions, les endroits où les gens ont joué comme en Afghanistan ou bien dans le Kyrgyzstan, là où les gens ont joué sur la mine antipersonnelle. Vous savez qu'on appelle mine antipersonnelle. Il y a des bombes qu'on met au sol, quand tu mets le pied, boum, ça déclenche. Les gens qu'on a amputé le pied, ou qu'on a fait les prothèses du pied, où ils marchent maintenant comme ça avec les prothèses. Les pieds, frère, sur la terre, les pieds vont ressortir. Alléluia. Que ça ne soit pas discutable. Alléluia. Lorsque ce moment va arriver sur la terre, vous allez vous souvenir de ce que je viens de dire. Il y a bien les gens dont le pied est coupé. Vous savez que ce pied-ci s'est coupé, c'est enterré quelque part, c'est pourri. Mais Dieu fait sortir le pied. Parce qu'avec le cancer, on peut encore dire que non, il y a des chimiothérapies ici. Il n'y a pas la médecine. La médecine ne peut pas faire, Satan ne peut pas faire cela. Dieu va le faire. Amen. Il lit quel livre déjà? Ok, Philippiens chapitre 3. Permettez-moi de trouver. Préparez-vous pour le dernier harvest. Chapitre 3, lisons à partir du verset 17. Regardez. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Vous avez vu? Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore. Oui. En pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez remarqué donc, il dit donc, il y a deux styles de prédication sur la terre. D'autres qui prêchent pour le ventre alors que nous prêchons en attendant la terre. Mais regarde, toujours dans le chapitre 3, c'est lisons à partir du verset 1 là. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, si conçu le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles et persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, si c'est pour servir le monde, pour servir le groupe, il était avancé. Mais ici, maintenant, il connaissait véritablement la voie de la vérité. Et là, il disait aux gens de faire attention. Donc, si les gens pouvaient se glorifier qu'il y a les œuvres qu'il a fait, il a fait ça, il dit irréprochable quant à la loi avec les pharisiens. Là. Bon, maintenant, donc, sur la terre se trouve donc le mélange des vérités. Dieu ne veut pas de mélange. Quand vous mélangez le blanc avec le noir, ça va donner du gris. C'est soit on est blanc, soit on est noir. Soit on est du ténèbre, soit on est de la lumière. Donc, cette mixture-là, Dieu va créer la séparation. Souvenez-vous de la prophétie de Jean-Baptiste. Il nettoyera son air. Il a son vin en main. N'est-ce pas? Il amassera le blé dans le grenier. Alors, le réveil arrive. Nous attendons le réveil. C'est la grande pluie. Et si vous lisez le livre d'Agée au chapitre 2, après le célèbre verset qu'on connaît, qu'on aime citer, le verset c'est quoi déjà? De Agé chapitre 2, que les pentecôtistes aiment. Vous avez peur? Hein? Qu'est-ce que tu citais quand tu étais pentecôtiste? Tu disais que quoi, frère? Tu ne citais pas. Hein? Donc ça veut dire que l'or et l'argent n'appartiennent pas au Seigneur. Mais, donc tu ne citais pas aussi ça. Toi, tu citais quoi? Tu n'étais pas pentecôtiste, tu étais quoi, frère? Tu étais baptiste. Tu étais catholique. Ou bien tu étais. Tu étais un zélote. J'étais rien, je disais la Bible. L'église de Jérusalem, ceux qui portent les habits avec les écritures, c'est ça là. Alors si vous lisez Agé chapitre 2, le verset 8, vous allez maintenant dire l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Mais si vous lisez le verset 9 parle d'une prophétie. Du second temple. Et parlant de ce temple-là, il dit que la gloire du deuxième temple sera comment? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Il dit la gloire, c'est Agé chapitre 2, verset 9, n'est-ce pas? Il dit qu'à la gloire, on t'a puni avec le portable, madame. Donc, tu es là comme Bartimée. Comme ça là. Voilà. Mais les femmes, deux jours après le jeûne, vous avez déjà pris le poids comme ça. Hein? Hein? Non mais c'est pas sûr. Vous mangez trois fois le matin désormais. Dans ces Agé chapitre 2, verset 9, quelqu'un lit à haute voix. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Voilà. Si l'Éternel désarmé. Voilà. Il dit la gloire de cette. En fait, regardez très attentivement. Voici le problème. Les choses sont mentionnées dans les prophéties, mais quand vous lisez les choses qui sont dans les prophéties, vous pouvez. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ceci, mais ce sont les prophéties. C'est le livre du prophète. On dit le livre du prophète, dont il en dit quelque chose. Mais physiquement. À l'instant où Zorobabel, Agé et tous les autres là se mobilisent pour construire le temple, comme enfin, vous voyez dans ces Agé là-bas, il a défié le fait que les gens bâtissent leur maison à eux-mêmes alors que la maison de Dieu est détruite. D'accord? Il dit c'est pour ça qu'ils ne réussissent pas, ils ne parviennent pas à récolter. Mais quand quelque chose de physique se passe sur la terre, quand quelque chose de physique se passe, un problème d'ordre physique se passe sur la terre. Dieu parle non seulement à ces problèmes-ci, mais il prophétise encore quelque chose qui va venir. Souvenez-vous chaque fois que le temple de Jérusalem prophétise le temple, le corps. Souvenez-vous chaque fois, n'est-ce pas? Que le temple qui est à Jérusalem typifie le corps de Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Alors, s'il en a de parler, même pas s'il en a de parler, c'est ce qu'il en a de dire. Donc, il y a un problème d'ordre physique véritablement, mais en parlant, il en a de s'adresser à quelque chose, parce que Dieu lui parle spirituellement. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, le temple a un problème. Il dit donc, ok, comme on comprend le premier temple qui a été institué, le premier temple. Si on prend le deuxième temple, la gloire sera plus grande que la première. Ok, mesdames, lisons Jacques. Ça va? Vous êtes dans Jacques? Chapitre 1. Verset 1, verset 18, mon cher. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Voilà. C'est l'apôtre Jacques qui l'écrit comme ça. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ses créatures. Soulignez prémices. Vous avez souligné prémices? Voilà. Allons-y dans le livre des Proverbes, chapitre 3. Proverbes, chapitre 3. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que sa paix inonde vos âmes. Et puisse votre cœur ne se trouble point. Proverbes, le chapitre 3. Tu y es. Lis à partir du verset 1 jusqu'à ce qu'il te dise stop. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Stop! Il a dit quoi? Honore l'Éternel avec tes biens, oui, et avec les prémices de tout ton revenu. Soulignez les prémices. Dans le mot prémisse, vous entendez quoi? Les prémices. Alors, prémisse, ça veut dire quoi? Si vous avez lu la Bible au moins, faites vivre avant, on avance rapidement. Je vais expliquer quelque chose. Chaque fois, ils sont venus parler, la dernière fois, ils sont parler de ce réveil ici. Ils sont venus expliquer quelque chose, parce que je ne sais pas quel embranchement ça va prendre, parce que il y a des enseignements qui vont encore venir davantage pour nettoyer, pour préparer, d'accord? Vous savez, vous lisez la Bible, vous pensez que tout est fini, que maintenant on est au complet. Viens maintenant. Après, vous remarquez qu'il y a une porte qui s'ouvre encore. Alors, quand il dit prémisse, qu'est-ce que la Bible appelle par prémisse, la Bible? Les premiers, c'est-à-dire par exemple quoi? Les premières, c'est-à-dire que si un arbre pousse, par exemple, comme un manguier, lorsque la production est là, les premiers qui sortent, on les appelle les... Voilà. Revenons dans Jacques. Maman, elle dit, c'est la fraîcheur qui va te tuer aujourd'hui. Madame Tagne. Verset 18 encore. Je veux que vous gardiez les yeux sur ça pendant que je cite. Il nous a engendrés. Il est mis ici pour Dieu, n'est-ce pas? Nous, quand l'apôtre Jean l'a décrit, il s'inclut. Suivez attentivement. Il nous a engendrés. Il y a il, il y a nous. Donc, il engendre nous. Si on revient à l'époque de Jacques, il a de mettre la plume pour écrire. Il s'inclut dans ce que il a fait, pas vrai? Il dit selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que il a fait afin que quand il a engendré, afin que il soit comment? Les donc les premières personnes qui sont nées de nouveau n'étaient que des donc l'esprit qu'ils ont reçu n'était que des. Okay. Maintenant, lorsqu'il y a la saison du mangue, de la mangue, donc, les fruits qui sortent ne sont pas nombreux. Donc, la puissance de Saint-Esprit qui va manifester à la dernière sera plus que les apôtres Paul et Pierre, frère. Donc, la puissance, le déploiement du Saint-Esprit. Il arrive quelque part. Il y a des choses que les gens anciens dans la Bible ne comprennent pas ce que je leur dis. Si vous lisez le livre des 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 et suivant, la Bible déclare que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point, qui n'est point monté dans le cœur des hommes. Il dit, je peux crier ici maintenant là. Attendez, lisons cela. 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez comment, regarde mes pieds là maintenant. Il sent qu'il veut, c'est le coup, c'est le mur qui va m'arrêter là maintenant. Vous allez dire, je suis devenu fou. Regardez, il dit ce sont les choses que, même les prédicateurs citent cela. Il dit que nous vous annonçons des choses nouvelles. Mais il prêche la même chose qu'il écrit là-dedans. Regardez. Verset 6 et suivant. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chers de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, virgule mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc l'une de ces choses, la crucifixion de Jésus-Christ, c'est que les choses que l'œil n'a point vues. La prédication de la croix qui prêche pour sauver les gens, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Maintenant, regardez bien. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Puis il dit, regardez ça comment c'est mes vieux frères, des choses que Dieu a préparées pour les apôtres du premier temps. Hein, frère? Alors, ça pose problème. Avant de lire le verset suivant. Il dit, les choses là, qui ne sont point montées dans le cœur des hommes, que l'un n'a point vu, ce sont les choses que Dieu a préparées d'avance. Il ne dit pas que pour les premiers apôtres seulement. Il ne dit pas que pour l'apôtre Paul, Pierre et autres, pour la première église. Il a dit pour ceux qui l'aiment. Alors maintenant, dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit qu'à ceux qui a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Il commence par dire, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu. Regardez même la même expression ici. Il a préparé ça pour ceux qui l'aiment. Et c'est pas ce que vous saisissez. Il dit, dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que ce sont les gens des premières églises qui aimaient Dieu? Alors, toute personne qui aime Dieu, qui est connu de lui d'avance, le verset, comme tous les autres versets, les premiers de la Bible, les concernent, pas vrai? Puis il dit ici, car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. C'est ça? Donc chacun a sa période, chacun a son époque, chacun a son outpouring, le déversement. D'accord? Maintenant, si vous lisez Ephésiens chapitre 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour, puis dit des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, mais c'est quand même terrible, afin que nous les pratiquions. Vous voyez cela? Donc ici, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, et l'oreille n'a point entendu, et qui n'est point monté le cœur des hommes. Puis il dit, des choses que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Puis il dit, maintenant le verset suivant, il dit, Dieu nous les a révélé par l'Esprit. Donc l'Esprit doit révéler à l'Église de cette époque-ci les choses qui la concernent. Les choses glorieuses qui la concernent. Si vous lisez dans votre livre, dans le psaume, vous remarquez comment il est dit de Jérusalem que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Donc comme quelque chose, quelqu'un s'est pensé comme ça que Jérusalem, que ta paix soit là, Jérusalem. On dit des choses. On vient donner des informations que Jérusalem, toi qui es là, sache que des choses glorieuses ont été dites sur toi. Quelles sont ces choses glorieuses que tu dis sur Jérusalem? Des choses glorieuses. Mais quand vous regardez Jérusalem dans le cas physique, Jérusalem est dans les douleurs de l'enfantement. Mais pourtant, la Bible déclare que des choses glorieuses ont été dites sur elle. Quand vous regardez l'église, vous remarquez que l'église, c'est comme si elle en est déchamboulée. Mais il a dit, les portes du séjour des morts ne prendront point contre elle. Mais quand vous regardez, ça semble être malade. Vous regardez, mais la réalité dit une chose, la vérité c'est une chose, parce qu'en réalité, l'église est programmée pour fonctionner en dispensation. Amen. Vous suivez ça? Maintenant, regardez ça. Les écritures telles que celles-ci, Ephésiens chapitre 2, verset 10, vont commencer à prendre vie. Quand ces choses arriveront. Maintenant, je vais m'aventurer un peu, je vais mettre mon pied quelque part, puis je vais ressortir. Vous permettez? Bon, enfin, je l'ai dit tout à l'heure avec les membres, mais c'est dans la Bible. Je vais y revenir. Si vous me regardez comme ça, vous dites que parce que vous voulez entendre les choses. Laissez-moi y sortir là-bas doucement avant qu'on ne m'étasse dans certains noms. Mais c'est dans la Bible. Vous avez été étonné de la Bible. Vous avez lu suivi cette appellation sur les sept esprits de Dieu. Vous avez lu ça dans la Bible. Vous avez lu les sept esprits de Dieu. Bon, alors, Dieu a sept esprits. Hein? Mais comment vous lisez? On dit qu'il y a les sept esprits de Dieu. On a même dit les sept dieux. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? Qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre? De quoi est-ce qu'il est question, frère? Comme ça. Bonsoir frère. Que Dieu notre Père vous bénisse. Y a-t-il des questions? Comment vous allez? Yeah, on arrive. Donc en fait, tout ce que je suis en train de dire, c'est que le revers arrive. Préparez-vous. Dieu va déconstruire nos théories humaines. si vous avez fixé votre vision, votre façon de faire sur des styles de ministère qui se passent sur la terre, ce sera rien de semblable. C'est pour ça que ce sera hors de tous ces systèmes-là, hors de tout ce que vous pouvez avoir comme organisation sur la terre. Ça, c'est ainsi parle le Seigneur. Donc, si vous voyez n'importe quelle institution, fût-il n'importe quel prophète sur la terre actuellement, écoutez très attentivement. S'il y a n'importe quel prophète sur la terre actuellement, n'importe quel prophète, n'importe quel endroit sur la terre maintenant, il a de passer. Le relais va quitter. Il veut dire, les ministères que Dieu va susciter n'auront rien à voir. Donc tout cela n'est que les petits séquelles de prémices. Dans ce effet, Agai, c'est en anglais. Agé chapitre 2, le verset 9, il dit que la gloire du second temple sera plus grande que la. Prenez Osée chapitre 6, la voix. Osée chapitre 6. C'est même pas pour vous, c'est même qu'il peut prêcher un message. Je crois que c'est la chose. Il faut prêcher au milieu lorsqu'on m'invite pour pouvoir secouer les gens, pour que les gens se réveillent que qu'est-ce qui ne va pas. Vous savez, quand vous prenez le poussin, vous faites, quand on écrase les petits couscous, on verse en bordure de la boue. Le poussin ne peut que se contenter de cela. Il ne sait pas qu'il y a le sac de couscous qui se trouve à la maison. Si vous prenez les miettes que vous versez au chien, vous mettez là-bas à côté de sa cage, quand il mange là, il ne sait pas qu'il y a plus grand que cela. Il n'y a pas que les miettes chez le Seigneur. Il n'y a pas que les miettes chez le Seigneur. Donc, chacun fait naufrage en voulant copier sur le modèle qui est sur la terre. Qu'est-ce que je veux faire qu'on fasse? Je veux que chacun se prépare tout simplement à recevoir directement de Dieu ce qui le concerne. Directement. C'est là où ça va nous conduire. Que chacun soit directement. Vous ne savez pas des choses qui sont en train d'arriver. Directement du Seigneur, ce qui le. Je crois que pendant qu'on parlait dans don et prophétie, don et appel, j'ai dit qu'au sorti, il faut que chacun sache exactement quel est son appel, pas vrai? On va glisser là-dedans. Donc tout ceci, c'est pour. Vous dites, au milieu de l'église, comment savoir. Il y a des questions. Ces questions montrent qu'il y a un problème. Comment savoir quand il faut prophétiser? Quand quelqu'un a l'esprit de prophétiser sur lui, si je n'aime pas le foulard sur la tête, attendez seulement. Attendez. Comment savoir que j'ai le don de prophétie? Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Comment savoir? Il y a un problème. Il y a un problème. La gloire du second temps. Il dit Osée chapitre 6, n'est-ce pas? Lis-moi le verset 3, voir. Qu'est-ce que ça dit? Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Oui. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Oui. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Attends, on parle de qui? De ça quoi? Ça vient. Que ça vient comment? Comme la pluie. Mais c'est quand même terrible. Et Zacharie? Oui, je suis resté dans les prophètes, pas vrai? Dans ce Esaïe chapitre 26, là, il dit maintenant que son esprit est un esprit vivifiant. Ça a arrosé. Zacharie, le chapitre 10. Si vous y êtes. Zacharie, le chapitre 10. Salut, tu vas trouver, frère. Le verset 1 du chapitre 10, qu'est-ce que ça dit? Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ah, frère. Ah. Ah. Il donnera à tout le groupe, frère. À chacun. De l'herbe dans son champ. De l'herbe dans son champ. Vous dites, Dieu est en train de parler de quand il va avoir mon champ, Dieu va faire que mon légume pousse dans mon champ. Et ça n'a rien à voir. Et remarquez que le prophète osait parler de cette même pluie de printemps, n'est-ce pas? Le prophète Zacharie parle de pluie de printemps. Il dit qu'on demande cela à Dieu. Mais Osée lui dit que ça a venu aussi certain que l'aurore, que la levée de l'aurore. Comme vous savez que le matin va se lever là, c'est comme vous savez comme ça et que vous préparez que demain matin vous faites quelque chose parce que pour que vous alliez demain faire quelque chose, il faut que le matin se lève. Comme vous saviez cela, il dit là, c'est comme ça, là, c'est, avec cette certitude là, le Seigneur viendra. Alors, il dit demander quoi? La pluie de, du printemps. Et il va vous donner quoi? Pas la pluie seulement. Il dit une abondante. Souligné. Il va donner quoi, hein, frère? Une abondante pluie. Une abondante pluie. C'est ce qui est arrivé sur l'église. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous remarquez très bien que Zacharie et Agée sont contemporains. Donc, c'est le prophète de même époque. Donc, ce que Zacharie est en train de dire ici, c'est la même chose que Agée est en train de dire dans Agée chapitre 2, verset 9. Le réveil arrive. L'ère de la grande moisson arrive. Ceux qui ne croient pas en miracle seront tenus de croire. Ceux qui ne parviennent pas à croire vont dire que je parviens à voir le miracle, mais je ne parviens pas à croire. Mais il y aura quand même des miracles. Dieu a opéré beaucoup de miracles au travers de l'apôtre Pierre, Paul, Pierre, au point où les Juifs regardaient, c'était incontestable. La dernière fois, on a vu cela, quand ils ont fait sortir les Pierre et Jean dans le Sanhédrin, ils ont dit qu'il est signalé, il est clair pour le peuple qu'un miracle signalé a été effectué. Et nous ne pouvons pas, nous, ils sont témoins de cela. L'apôtre Paul leur a dit, lorsqu'il partait de lui en lui, et les Juifs venaient contredire, il a dit que c'est à vous que la parole a été adressée, vous, les fils d'Israël. Faites attention que ça, ce qui est écrit ne s'accomplisse pas sur vous que vous voyez, contemplez et passez. Donc faites attention que ces choses ne passent pas, passent une baille, que ça passe au travers de vous, que ça passe devant vous et que vous perdez cela. Tout ce qui est dans le monde ne suffirait pas et rien n'est assez important comme ceci. Puisqu'il dit ici dans ces Esaïe, dans ces Zacharie-là, que demandez. Demandez. Soupirez. Aspirez. Il y a des grandes choses en réserve que nous n'avons même pas encore expérimentées. Les gens au moment du prémisse avaient expérimenté les prémices. Il y a des gens même que la saison des mangues soit comme ça là, même les premiers mangues ne sucent pas. Ça veut dire que les choses vont se multiplier. Alors, vous dites, dans Jean 14, donc, on revient donc sur ce qu'il dit ça chaque fois ici. Dans Jean 14, le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il dit que il en fera d'avant. Il en fera plus grand, n'est-ce pas? Ok. Montrez donc après Jésus ceux qui ont fait plus grand que lui. Montrez qui a fait plus grand que le Seigneur Jésus. Tu as trouvé, frère? Mais voilà ce qui est écrit. Même la personne qui a écrit ça lui-même, celui qui en écrit, après il dit que c'est celui qui aimait le plus, celui qui donne un témoignage, il sait que son témoignage c'est la vérité. Il dit que ça, son témoignage c'est la vérité. Lui-même il a fait comme ça. Il dit celui qui croit en moi fera des plus grandes œuvres. Il en fera davantage. Il fera plus grande œuvre que le Seigneur Jésus. Comment un homme peut faire une œuvre plus grande que le Seigneur? Dans l'heure de la multiplication des miracles du Seigneur Jésus qui va s'ascensionner sur la terre. Vous savez, quand il est venu, pour la première fois, quand il a accompli le miracle, les Juifs ont dit que. Enfin, il a parlé à Nathanaël. Nathanaël a dit que, waouh, parce qu'il était dit, c'est que tu es étonné. Tu verras de plus grandes choses que ceci. Donc, l'heure arrive, les membres vont pousser, les membres manquantes. Les membres manquantes. Vous savez, les enfants qui naissent avec les torsions, ce que vous voyez dans vos télévisions, on veut inviter les gens pour essayer d'aider les enfants. Tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'en regardant sa maman, dit que ouais, cette femme se peut souffrir. Et faire l'effort de donner 20 000 francs ou 10 000 francs pour contribuer. C'est que voilà ma modeste contribution. Dieu va nettoyer le corps. Nettoyer le corps. Pour quelqu'un de trouver un homme paralytique depuis plus de 38 ans, se coucher là et se dire, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que cela faisait là depuis? S'il voulait être guéri, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Tout ce qu'un être humain peut l'aider, c'est porter, aller déposer à côté de la piscine le soir. Celui qui était à l'entrée du temple, appelait la porte, appelait la belle. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est le matin, le porter, le mettre là-bas pour qu'il demande le monde. C'est tout ce qu'on peut le faire pour l'aider. Quand tu viens, tu le vois, tu as pitié que ouais, c'est tout ce que tu peux faire, frère. Tu n'as pas la puissance. Mais quand le moment est arrivé, lève-toi et marche. C'est une autre chose aussi. Alors, ça arrive sur la terre en multiplication. Maintenant, voici ce qui freine dans cela. Voici pourquoi Dieu suscite de part et d'autre les gens pour parler de la restauration et de la nécessité de retourner à l'évangile pur sans mélange, sans tache, sans rides, ni rien de semblable. Voici le pourquoi Dieu suscite des gens de part et d'autre pour prêcher la nécessité d'abandonner le péché et de retourner à l'évangile pur, pour qu'ils puissent faire exactement ce qu'il a dit. Parce qu'ils travaillent dans la pureté, dans la sainteté, d'accord? Voici le pourquoi. C'est parce qu'en réalité, les gens ont mélangé la grâce avec leur propre gloire. Les gens ont mélangé la grâce du Seigneur Jésus avec leur propre gloire. Autrement dit, sur la terre se trouvent donc les gens de chez Dieu qui combattent les gens de chez Dieu pour pouvoir s'élever au-dessus des autres chez Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lève-toi, mon cher. Toi, lève-toi. Toi aussi, lève-toi. Celui-ci est envoyé de chez le Seigneur. Il est un pasteur. Lui, il est pasteur. Vous vous souvenez dans la Bible, vous avez remarqué que l'apôtre Paul dit qu'il faut qu'on ait en considération les anciens qui sont parmi nous. Puis il dit surtout ceux qui travaillent dans l'enseignement. Donc il y a différents volets et facettes de l'ancienat. Il y a les anciens qui dirigent bien. Il y a les anciens qui enseignent. Pas tous les anciens enseignent. Donc celui-ci vient par exemple, il enseigne. Quand il enseigne bien dans les profondeurs, les gens sont bénis par son enseignement. Mais il n'a pas la grâce par exemple d'imposer le même aux malades, mais alors sont guéris. Ça c'est le cas de celui-ci. Lui, il est dans l'enseignement. Celui-ci a la grâce que lorsque les gens viennent à lui, selon Jacques chapitre 5, il impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Mais il ne connaît pas les versets bibliques. Vous suivez ce que je dis, n'est-ce pas? Gardez bien les exemples à l'esprit. Donc celui-ci, quand il enseigne, il bénit bien dans l'intégrité. Celui-ci, la Bible déclare que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens prient en loyant Dieu au nom du Seigneur. Celui-ci, quand il le fait, ça marche. Si celui-ci le fait, ça ne marche pas. Mais il est spécialiste, on pourrait dire dans l'enseignement. Quand il prend la parole, il décortique, tu regardes ta Bible comme ça, tu dis, mais comment je n'ai pas pu voir ça avant? Mais il n'a pas pris ta Bible pour réécrire ça dedans. C'est qu'il dit à la manière que l'esprit veut que ça soit entendu à ce moment-là. Alors celui-ci, quand il met sa main là-bas, après lui, il dit, mais qu'est-ce qui sort dans mes mains? J'ai senti quelque chose marcher dans mes mains. Quelque chose marcher dans mes mains. Lui, il est étonné de ce que quand il sent, souvent il sent la chaleur dans ses mains. Un temps, ça vibre comme ça, il dit, mais lui, il dit, frère Junior, qu'est-ce qui vibre dans mes mains? Ça, c'est le cas de celui-ci. D'accord? Alors, celui-ci. Il est seulement quand vous savez que le frère David est calme normalement. Il est calme comme ça, il est calme. Quand quelqu'un vient nous voir, il a le problème, il dit que ma soeur, reste calme. Le Seigneur jusque lui-même, quand on l'a accusé, est-ce qu'il a bavardé? Il dit non. Il dit ça passe, c'est le calme. Donc lui calme seulement les situations. Quand les cœurs sont chauds, il y a une petite situation. Il dit, mes frères, ne faites pas comme ça, restez calme. Pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Donc pour lui, c'est l'exhortation. Voici trois anciens. Je viens de vous expliquer le pourquoi le Seigneur a nécessité ces choses ici sur la terre. Pour restaurer les choses afin que les gens viennent. Ils n'ont pas compris que, un, les chrétiens ont besoin d'enseignement, d'imposition de mains et d'encouragement. La Bible déclare exhortez-vous les uns les autres, mais il y a des gens qui sont spécialisés dans l'exhortation. La Bible déclare que parmi vous, que plusieurs ne se mettent pas à enseigner. C'est pour ça que les gens donnent enseignement à celui-ci sans donner à celui-ci. La Bible déclare donc que quelqu'un a malade, qu'on impose les. La Bible déclare que tous au point de le miracle, c'est pour ça qu'il a donné à celui-ci sans donner à le fait que celui-ci enseigne sans avoir la grâce d'imposer même malade, mais soit guéri, ne veut pas dire qu'ils doivent combattre celui-ci. Vous me suivez? Le fait que celui-ci, quand il met les mains sur les malades, ça ne va pas faire de temps que, comme celui-ci a dû dire des choses dans des langages en décortiquant l'écriture, ça semble bizarre pour lui. Ça ne va pas faire qu'il dit que je me sépare de lui pour aller créer mon ministère de guérison divine. Parce que même dans la guérison, il faut les enseignements. Il peut mettre la main sur le malade est guéri. La personne se dit, waouh, je suis guéri maintenant. Il peut maintenant calomnier Jésus. Celui-ci maintenant va venir vous dire que quand vous recevez votre guérison, comprenez le pourquoi le Seigneur Jésus dit que va et ne pêche. C'est sa spécialité, celui qui enseigne. Vous me suivez, frère? Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. C'est donc ce que j'étais en train de dire. Que ceux qui sont de chez Dieu combattent les gens qui sont de chez Dieu. Or le corps de Christ est un. C'est cette semence que l'apôtre Paul a commencé par le Saint-Esprit à combattre dans l'église de Corinthe. Je disais au chapitre 3, depuis là-bas, il dit que vous êtes charnel. Quand l'un dit, moi je suis de Cephas et moi de l'autre, n'êtes-vous pas charnel? Qu'est-ce que c'est que Cephas? Ils ont eu le don spirituel, ils voulaient se détruire le don spirituel. Moi je parle la langue, toi tu vas entendre, c'est fort. Alors, ces choses ne doivent pas se passer au milieu de l'église. Alors, il prophétise donc dans Éphésiens chapitre 4 que les apôtres seront là jusqu'à ce que vous tous soyez tous parvenus. C'est prévu que l'église advienne tous à l'unité de la foi. C'est la prophétie, pas vrai, frère? Ça doit s'accomplir. Et donc, Dieu a sur la terre donc des hommes qu'il a suscité, envoyé, établi avec l'esprit de restauration. Quand vous regardez Israël maintenant, vous voyez comment Israël est distribué, est disloqué, pas vrai? Jusqu'à ce qu'il y ait les homosexuels en Israël. Mais une saine postérité sortira de cette race-là. Il a dit dans ce livre de Zacharie, là, chapitre 11, il dit que lorsque le Seigneur va venir, ils vont tourner, se tourner le regard vers lui. Il y aura un esprit de supplication, dans un style de prière que le Seigneur va prier au travers d'eux pour demander quelque chose à Dieu. Waouh! L'esprit de supplication et de grâce. Les gens sont là, ils ne s'inquiètent pas de Dieu, ils ne s'inquiètent pas de Dieu. Quand tu veux parler du Messie, votre Messie, Jésus, là, on ne le connaît pas. Ça va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible déclare qu'ils vont se remettre comme ça, famille après famille, pleurer dans la repentance. Il va déverser cet esprit-là sur eux. Ils vont tourner le regard donc maintenant vers celui qu'ils ont versé. Alors donc, ce mal-ci qui est au milieu de l'église, où le chrétien combat le chrétien. Imaginez une armée qui s'engage contre C'est pour ça que vous voyez quand Boko Haram, et là vous entendez par exemple qu'un militaire camerounais a pris de l'argent chez les Boko Haram pour livrer la position de camp. Vous ne pouvez pas aller combattre avec les ennemis au milieu de vous. Il faut que ceci soit restauré. Sinon, quand vous allez dire, allons tel jour maintenant pour aller faire l'embuscade, il va informer l'ennemi que quitter là-bas, faire comme ça. Eux, ils comprennent le plan que vous allez aller, on met l'embuscade et on détruit l'armée. Pas vrai? L'armée ne doit pas combattre avec l'ennemi en son sein. Et ici, nous parlons de l'armée du Seigneur. La branche visible, terrestre, de l'armée du Seigneur. Il y a la branche invisible des anges. Il y a l'armée visible, puissante, l'Église. Lorsqu'il dit au nom de Jésus-Christ, toute l'armée des cieux est bougée pour dire qu'est-ce qui se passe sur la terre. Vous savez, quand David s'est tenu là-bas, il dit que tu viens contre moi avec le ceci. Moi, je marche devant toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Micaël et les autres ont chacun dégainé son épée. Alors, d'un chrétien de combattre un autre chrétien, c'est Jésus qui lutte contre Jésus. Le Seigneur dit, c'est plutôt l'autre royaume qui doit faire cela. Le Seigneur dit, c'est l'autre royaume qui doit combattre. C'est entre eux que se combattent. Mais ces semences-là, on semble trouver ça au milieu chrétien. Vous suivez, n'est-ce pas? D'un chrétien de s'asseoir, dénigrer un autre chrétien. Que tu n'aies pas la compréhension de ce que, comme j'ai pris pour les trois exemples, c'est un cas seulement que j'ai pris comme ça. Que tu n'aies pas la compréhension du fait que celui-ci impose les mains. Il peut regarder quelqu'un comme ça, il tend la main, tac, comme ça, pam, la personne sort. Si tu ne comprends pas en tant que l'enseignant, tu n'as pas encore vu qu'on a tapé, va devant le Seigneur. C'est ça le vrai problème. Où c'est ses frères? Lorsqu'on travaille dans les dons spirituels, il peut arriver que le Saint-Esprit passe outre mesure les pensées humaines. Outre mesure les pensées humaines. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, des gens vendent l'eau dans les bouteilles. Ils vendent l'eau dans les bouteilles. D'autres personnes le font de façon claire, venant du Saint-Esprit, mais ne vendent pas. Cette même eau a des effets. Les autres vont, ils font par imitation. Oh, c'est pas biblique. Dieu n'a jamais vu cela dans la Bible que Dieu qui juge l'eau. Mais vous allez, on dit que ces personnes-là, les grandes en multitude, étaient dans une piscine, ils attendaient que le mouvement de l'eau. Voilà l'eau. Avant ça, avant que cet événement ne soit mentionné dans Jean chapitre 7, on avait nulle part où il avait aussi guéri avec l'eau de tous côtés. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, Dieu a utilisé l'eau pour faire quelque chose. Il a utilisé la terre pour mettre sur la boue là, quelqu'un pour... Maintenant, supposons que vous venez ici, vous êtes malade. Il dit, tiens, t'as fait. Vous sortez, c'est qu'est-ce que vous allez dire? Que quel est ce prédicateur qui crache sur les gens? Mais lorsque ça devient une répétition de crachats, ça devient un... C'est ça dans les traditions humaines. C'est-à-dire que systématiquement, quand vous venez, on dit que prends cette eau-ci là. Prends cette eau-ci. C'est pour ça que les gens ils sont devenus commerçants. Prends cette eau-ci. Le réveil qui arrive, quelqu'un tente de mettre 5 francs quelque part ou acheter quelque part, ils vont voir ce qui va leur arriver. Donc, quand je dis chaque fois, je vous avais dit dans l'enseignement, quand vous dites que Seigneur envoie ton esprit, préparez-vous aux conséquences, c'est-à-dire à la persécution et à la mort, comme le cas d'Ananias et Saphira. C'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare. Se préparer, ça veut dire que chacun arme sa pensée. Que si on a des choses comme ça, que le Saint-Esprit détache cela de notre pensée afin que nous marchions comme il veut. D'accord? Donc, il n'y aura pas cette pensée que, ok, comme j'ai le don de guérison, ou bien un don de guérison, il faut que je parte créer mon ministère. Il n'y aura plus ça. Parce que les enfants de Dieu vont marcher dans la liberté du Saint-Esprit. C'est ça qui va pousser à la persécution des églises traditionnelles. C'est ça donc qui va amener la persécution des églises traditionnelles. Parce que vous voyez, ces gens qu'on appelle les prophètes, au-delà qui semblent opérer des miracles, il y aura les confrontations des miracles authentiques contre les miracles pseudo. Donc préparez-vous. Préparez-vous. Ça ne serait pas que... Non, ça c'est... maintenant, quand il y a le réveil, maintenant, c'est la mission internationale de restauration. Arrêtez que ça quitte dans la pensée. Dieu a dit là-bas dans ses prophéties-là qu'il va donner l'herbe à chaque champ. N'est-ce pas, frère? Vous êtes le champ des... C'est ce que la Bible déclare, frère. Demandez donc l'abondante pluie. D'accord? Donc, on va continuer dans la quatrième partie des dons et des appels. Ça nous conduit inévitablement là-bas. Pas vrai? Vous permettez donc qu'on parle, n'est-ce pas? Prenez donc la Bible. Que Dieu vraiment nous bénisse. J'aime quand c'est calme comme ça, oui, on peut prêcher, véritablement. Donc, vous voyez que ça nous conduit inévitablement à la quatrième partie, n'est-ce pas? Dons et appels. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la première partie, deuxième partie, troisième partie, qu'avons-nous assimilé? Vous avez assimilé que les dons et les appels tels que parlés souvent n'est pas conventionnel à ce que nous sommes dit, n'est-ce pas? Hein, frère? Amen. Je crois qu'il y a les bénis au moins là-bas. Dons et appels. Donc la dernière fois, nous avons donné un verset dans Romains chapitre 12 où on en parle, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère? C'est ça? Romains chapitre 12, on n'a pas lu. Et on avait commencé dans Marc chapitre 6, le verset 1. J'avais dit le verset 1 jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 23, je crois. Et puis on avait lu jusqu'au verset 4, ça nous a arrêté là-bas. C'est ça ou c'est pas ça? Donc maintenant, commençons donc par Romains chapitre 12, où nous avons lu là, où nous avons donné la dernière fois. Puisse Dieu vous bénir vraiment. Don et appel. Retenez toujours. Ah, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Retenez que les dons et les appels seront toujours imités. Retenons que les dons et les appels seront toujours imités. Donc, il y aura des gens qui vont faire office dans un secteur qui ne leur est pas propre. Et par conséquent, les esprits séducteurs seront là pour les utiliser dans cet office-là, parce que le but, c'est de détourner. Comme il a dit dans ce livre de 2 Pierre, chapitre 2, qu'il y a eu parmi les peuples des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront. Vous avez vu cela? Qui introduiront. Le but pour lequel ils seront là, les faux docteurs, donc les enseignants, ils viennent pour enseigner. Quand ils enseignent, ça veut dire qu'ils introduisent, ils mettent en place. Vous voyez, ils construisent un système qui va égarer les gens. Comment se fait que subitement il y a ce type d'évangile qu'on appelle évangile de prospérité? Subitement. Est-ce qu'on dit que es-tu oui ou non pour ou contre l'évangile de prospérité? Non, je peux vous démontrer par la Bible que l'évangile de prospérité existe. La Bible déclare qu'il n'y a pas deux évangiles. Le simple fait de dire cela montre qu'il faut mettre de l'autre de côté. Parce qu'en réalité, toutes les hérésies sortent de la Bible. Il dit bien, toutes les hérésies sortent de la Bible. L'église catholique, avant d'enseigner le faux, étant fausse dès le départ, a pris sa fausseté, son appui sur la Bible pour faire sa fausseté. N'est-ce pas l'église catholique dit que, vous dites, l'église catholique, tu sors d'où? Il dit que nous sommes les successeurs de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait dit qu'il a un successeur. Dieu a dit que l'apôtre Pierre avait un successeur. Dites que qu'est-ce que ça sort d'où? On dit que c'est la terminologie de la succession apostolique. Vous voyez que la seule succession apostolique, c'est la succession des Judas. C'est la succession des Judas. Dont l'église catholique suit la lignée des Judas. Vous voyez ça, frère? Quelqu'un qui dit qu'il marche avec Jésus, mais il fait des choses, de fausses choses derrière, c'est ce que ça te lui fait. En même temps, il dit que nous sommes de la succession apostolique. Vous dites, après, il dit, en même temps, il dit que c'est l'église que Christ a bâtie. Il dit, où est-ce qu'il a dit ça? Matthieu chapitre 16. Il dit bien, les hérésies sortent de la Bible. Matthieu chapitre 16, verset 10, tu es Pierre, je suis Pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que ceci a à voir avec l'institution Vatican? Dit que non, Pierre, quand il est mort, le premier apôtre, l'autre l'a remplacé ainsi. Pierre était marié, oui ou non? D'où vient-il maintenant que vous venez vous marier? Ça règle le problème. Donc c'est le mensonge, tout ça. Donc tout ce qu'ils vont dire par la suite, même si c'est bon, c'est le mensonge. Même s'ils adoptent le blanc-blanc, en mettant n'importe quelle peinture sur le blanc-blanc, c'est le mensonge, c'est les ossements humains desséchés. Alors prenez n'importe quelle religion chrétienne, donc, basée sur cela, vous allez voir ce qu'il en est. Mensonge. Dont les dons spirituels, les appels peuvent être usurpés parce que les gens peuvent se retrouver dans un office d'imitation pour introduire et induire les gens en erreur. Et s'ils sont là pour induire les gens en erreur, ils sont conduits inéluctablement par l'esprit de l'erreur. Inéluctablement. Parce que l'esprit de l'erreur ne viendra pas dire le mensonge cache, sachant qu'elle sera démasquée. Il faut qu'elle utilise des voies détournées. L'esprit de l'erreur. Romains chapitre 12. Nous sommes dans la quatrième partie des dons et des appels. La dernière fois, nous avons vu pêle-mêle avec l'explication que l'apôtre Paul nous a donnée dans 1 Corinthiens chapitre 12 sur le corps humain, que chaque chose avait sa place. Et nous avons terminé sur l'un des aspects du corps de Christ, de la négligence, des membres négligés. Nous avons pris l'exemple de notre corps physique, de celui qui fait office du ministère des déféquats, celui qui suit la direction des ressources humaines des défécations. Nous avons vu que c'est celui qui fait des bonnes tâches. Et alors, donc là maintenant, quelqu'un qui fait de bonnes tâches, comme ça, si on demande sur le plan humain, que quelle est la partie de ton corps que tu aimes plus, chacun aura son appréciation. Mais personne ne choisira cette partie-là, pas vrai, frère? Demande seulement, ok. La plus pire, c'est quoi? On dit c'est cela. On dit quoi? Ok, on bloque ça avec la colle forte. Vous saurez de quoi il est question. Alors, le Saint-Esprit nous a dit donc dans 1 Corinthiens chapitre 12 que les membres que nous tenons pour négligeables sont entourés de plus grands soins. Et puis, la Bible déclare que c'est la volonté de Dieu. Gardez cette phrase en esprit parce que nous allons travailler tout au long. C'est la volonté de Dieu donc que ces genre de choses soient au milieu des corps. Pour que les membres qui sont les plus influents puissent entourer les autres. Donc, autrement dit, que les membres aient soin les uns les autres. Que les membres aient soin les uns les autres. Dans Galates chapitre 6, verset 1, il dit que si quelqu'un croit être debout, qu'il prenne garde de tomber. Et puis il a dit que si quelqu'un vient être surpris par quelque faute, un frère vient être surpris par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec douceur. Il a dit frère, il n'a pas dit les chrétiens, les non-chrétiens. On est en milieu chrétien là. D'accord? Maintenant, suivez attentivement. Le corps est un ensemble de membres, de plusieurs membres. Le corps est un ensemble de plusieurs membres dont chaque membre a son rôle, son objectif et ne s'est pas choisi d'être membre. C'est ça? Les dons et les appels sont prédestinés. Les dons et les appels sont prédestinés. Les dons et les appels sont prédestinés. Les membres, le corps est un et les membres sont plusieurs. Tous ces plusieurs membres-là, chaque membre a son rôle. Et le rôle n'a pas été déterminé par les membres eux-mêmes. La personne qui a choisi tel style de membre, a prédestiné son rôle à lui. Le rôle l'appel, le don sont prédestinés, prédéterminés, préordonnés. Et c'est sans repentir, c'est-à-dire, Dieu ne dira plus que la main, si j'avais fait l'erreur, désormais devient les pieds. C'est pour toujours. Il est la main. S'il fait faute, s'il fait n'importe quoi, s'il fait n'importe comment, par la suite, on va lui demander si tu étais censé faire cela. Son rôle est son rôle. D'accord, frère? Romains chapitre 12, donc. Je vous exhorte donc, frère, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à que chacun offre son corps, comme un sacrifice vivant. Livrez-vous à l'autel de Christ pour qu'il soit capable de vous utiliser à sa guise. Prenez le temps de noter le chapitre 6. Vous lisez doucement. En parallèle avec ce verset-ci. Prenez le temps de lire le chapitre 6. Notez, vous lisez, vous y méditez. Tout le chapitre 6 du verset 1 jusqu'au dernier. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage à offrir. Ça veut dire que dans les membres humains, dans notre corps, nous avons notre propre volonté qui veille exercer pour nous, pour faire de nous-mêmes notre propre esclave, notre propre divinité, notre propre Dieu. On nous encourage à lâcher prise, abandonner notre vie entre les mains du Seigneur, abandonner, s'abandonner sous sa volonté, dans la sainteté. Il dit que si on fait cela, cela est agréable à Dieu. Il dit donc que si vous faites cela, c'est le culte raisonnable pour vous. Puis il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Même ce siècle a déterminé que le bon évangile, quand tu reçois un ministère, un esprit, il faut construire un ministère. Ne vous y conformez pas. Laissez libre le Saint-Esprit de s'incarner, comme l'autre disait, de s'incarner en vous pour faire son chemin au travers de vous, sans être conforme au système humain établi. Restez sous la liberté du Seigneur. Vous devez comprendre en quoi consiste cette liberté dans ces Galates chapitre 5 et 3 là. Et c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. L'on prêche cela, mais on est enchaîné. Soyez libre de tout système humain préétabli. Soyez libéré de cela. Laissez Dieu vous utiliser. Et pour cela, allez au-devant de lui. En abandonnant vous mourrez devant lui, disparaissez devant lui. Ça, c'est l'un des grands secrets du fonctionnement de l'Église primitive. Tous ceux qui fonctionnaient et que dont Dieu fonctionne au travers eux avaient abandonné toute leur vie à l'instant où ils ont rencontré. Tous, sans exception. Jusqu'à ce que des gens ne savaient même pas qui vivaient. Les apôtres ne savaient plus qui vivaient. Veuillez allumer là-bas, madame. Les gens ne savaient plus qu'ils vivaient. Au point où, dans ce livre de Marc au chapitre 10, quand le Seigneur commençait à parler de ces riches-là qui seraient difficiles à un riche d'entrer dans le royaume, les disciples ont posé la question au Seigneur, mais qui peut être donc sauvé? Il va commencer à expliquer ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Puis il va commencer à parler donc du fait que plusieurs des premiers seront les derniers, ainsi de suite. L'apôtre Pierre va leur dire, mais voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Il venait se rendre compte qu'il avait tout abandonné. Tout. Imaginez des pères d'enfants. Mais aujourd'hui, nous voulons servir Dieu en esprit en étant calculateur physique. Calculateur physique. Donc, la résistance de la chair n'est pas compatible avec la liberté de l'esprit. Vous comprenez, chair? La résistance de la chair. Si vous résistez à votre chair, résistez à votre chair que je vais faire comme ça. Il faut que Dieu vous fasse telle chose avant que vous fassiez. Faites telle chose. Non. Dieu aime quelqu'un qui vit dans l'obéissance et qui se lâche. C'est un peu comme, j'explique souvent, vous portez votre enfant. L'enfant s'abandonne entre les mains de son père au point où quand le papa porte l'enfant, son enfant lance en l'air, l'enfant rit en écartant les bras, frère. Pas vrai? Et vous portez votre bébé, vous lancez en l'air, wow, l'enfant rit en écartant les pieds. Vous-même qui êtes là, une personne qui est plus âgée que vous, vous pouvez lancer en l'air. Tu vas dire que sinon, arrête, arrêtez. Parce que vous savez qu'il peut avoir un mauvais cœur et vous lâche tomber, pas vrai? Et le vrai problème, c'est que vous connaissez la conséquence, c'est même pas qui vous lâche, c'est la conseil. C'est la conséquence qui fait que vous faites peur, que ne me lance plus. On dit que j'ai fait encore, il dit non, non, laisse, c'est suffisant. Mais l'enfant va dire que papa encore, papa encore. Dis à ton voisin, lâche-toi entre les mains du Seigneur. Fais-lui confiance. Tu ne dois pas te fracasser. Donc quand vous êtes en l'air avec le Seigneur, quand il vous lance en l'air, ça peut sembler les tribulations, des difficultés pour un moment. Vous êtes sous son regard. Vous êtes sous son regard. Vous voyez, le papa, il prend l'enfant, il tourne jusqu'à ce que l'enfant allait. Il ne veut pas faire du mal à l'enfant. Il allait jouer avec l'enfant. Ça crée le contact d'amour davantage entre lui et l'enfant. Vous voyez cela? Donc, n'importe quelle situation que tu traverses, le Seigneur avec toi. Parce que lorsqu'il te délivre de cette situation, regardez David dans ses psaumes 44 et 45. Je t'ai invoqué, tu m'as répondu, Seigneur. Tes œuvres, que tes œuvres te louent, qu'à tout jamais te louent. Ouais, parce qu'il connaît qui il est maintenant. Imaginez donc qu'il ne faisait pas confiance en Dieu, il l'invoque et Dieu ne vient pas. Oui, frère, ce que ça pourrait donner. Alors, ici, il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir votre corps. C'est abandonnez-vous entre ses mains. Abandonnez-vous. Pourquoi il dit abandonnez-vous? Quand vous allez sonder ce livre de Romains chapitre 6, vous allez remarquer qu'il dit abandonnez-vous comme ça pour qu'il puisse vous utiliser comme des instruments de justice. Il dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors ici, donc, il dit que, continuons. Donc, abandonnez-vous, celui-là, ne soyez pas calculateur. La résistance de la chair est incompatible avec la liberté de l'esprit. Les gens qui passent le temps à penser, à calculer avec Dieu, s'il fait comme ça, il fait comme ça, vous ne vous en sortirez jamais avec le Saint-Esprit. Et ça arrive toujours et toujours. Des pieds d'achoppement au niveau du matériel. Le matériel crée obstacle vraiment à la manifestation de cette église-ci. Mais je prie donc que Dieu nous fasse nous détacher. Souvenez-vous que la Bible a déjà prophétisé dans 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 6, que nous sommes venus dans le monde nu. Et il est évident que nous partirons sans rien prendre. N'est-ce pas, frère? Pourquoi donc nous agripper sur quelque chose? Si vous agrippez sur votre bien, vous dites que voici mon immeuble, voici mon immeuble. Là, vous avez le crise cardiaque. N'est-ce pas, vous avez lâché vous-même, l'immeuble va tomber. Vous allez partir avec l'immeuble. C'est même par pitié qu'on va créer deux mètres sur terre. Ça ne va pas, on va vous enterrer quelque part là-bas dans les bois des singes. Et ton immeuble là, la Bible déclare dans cette église là-bas, pour qui serait-ce? Alors, il conclut que vanité, des vanités, poursuite du vent. La résistance des insensés, dit la Bible, les tue. La Bible dit la résistance des insensés les tue. Donc ne résistons pas au Saint-Esprit comme le fit jadis les Juifs dans le désert qui résistaient chaque fois au Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit dit marchez dans telle direction, ils font telle autre chose. Le Saint-Esprit dit faites confiance, il dit qu'on va manger ou les concombres, on se souvient des concombres. Avancez toi dans le désert, Moïse, tu l'eau dans la même si on creuse le puits, est-ce qu'il y aura l'eau dans le désert, on nous fait passer là. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Qui dit va, il va. Viens, il vient. Donc, la nouvelle armée de Dieu, comme il dit dans ces Joël-là, donc son camp est nombreux, ce sont des armées formatées par rapport au système humain qui vont droit dans leur chemin. Donc, personne pour les dérouter. Un style de Jean-Baptiste qui n'est pas conforme au système humain. Verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi avoir besoin du renouvellement? Si on doit renouveler, ça suppose qu'il y a des anciennes choses préconstruites là-bas. Il y a des choses qui sont construites dans nos pensées. Et donc, nous pouvons être accoutumés au point où nous comprenons que c'est même bien pour nous. Mais Dieu veut le dérèglement, la reprogrammation. Avant d'introduire. C'est pour ça que vous prenez certains styles de CD et de DVD qui sont réinscriptibles. Lorsque les informations sont stockées sur ces CD, on veut mettre, il faut formater d'abord, nettoyer l'ancien qui se trouve dessus, avant de pouvoir placer l'autre information. Sinon, vous laissez un autre dossier à l'intérieur, ça, vous aurez des difficultés à vous retrouver chaque fois que vous allez entrer dans le dossier. pour chercher ce que vous venez de mettre. Alors le Seigneur dit ça autrement. Qu'on ne coupe pas un vêtement neuf sur un vieux tissu. Quand tu as le nouveau tissu, on ne mélange pas comme ça. Si tu mélanges comme ça, c'est quelque chose ne va pas chez toi. Ou bien on ne met pas de vin nouveau, le vin nouveau, dans des vieilles. Nous sommes des vases de terre, pas vrai? Donc le Saint-Esprit, le nouveau vin veut être déversé à l'intérieur. C'est ça? Il faut que ce soit les autres neufs. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. D'accord, frère? Afin que vous y êtes, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Arrêtez-nous ce verset, parlons doucement. L'appel et les dons ne sont pas décidés par un conseil humain. C'est ça? Le corps de Christ est prédestiné, donc existe d'avance dans la pensée du Seigneur. Le corps de Christ est prédestiné. Vous avez remarqué que pour une fois, je vais doucement aujourd'hui. N'est-ce pas? Le corps de Christ est prédestiné. Donc, existe avant la création d'un minuscule atome qui puisse exister, du premier atome. Et par conséquent, Dieu connaissait qui ferait quoi. C'est-à-dire, Dieu a prévu. Quand il dit prévu, ça veut dire que je dis prévu, ça veut dire qu'il a vu ça premièrement. Il t'a vu à la position que tu occupes avant que tu ne naisses, ne viennes dans, en existence. Alors donc, quelqu'un ne peut pas venir se greffer au corps de Christ et manifester le don de Dieu spirituel pour l'Église sans y être au préalable préordonné et préétabli. Toute autre façon de faire en dehors de la façon prévue par Dieu est une usurpation. Les dons et les appels ne se monnaient pas. Les dons et les appels ne s'achètent pas. Les dons et les appels ne se méritent pas. C'est prédestiné. Si c'est prédestiné, c'est d'après le conseil de sa volonté. De celui qui décide sans avoir besoin de quiconque. Et par conséquent, chaque personne qui est prédestinée dans le corps a un but précis sur la terre. Réaliser la volonté de Dieu pour la manifestation du royaume. Chaque personne donc, dans ce corps prédestiné, à cette place prédestinée, a un but. Réaliser la volonté de Dieu, c'est-à-dire la manifestation du royaume. Chaque personne donc, dans ce corps-là utilise les grâces que Dieu a mis à sa disposition avant la fondation du monde pour amener la volonté de Dieu en existence. Remarquez dans le style de prière que le Seigneur a enseigné aux disciples, on va y revenir un de ces jours dans cette série d'enseignements. Dans Matthieu chapitre 6, notez le verset 1 jusqu'au verset 20. Dans ce Matthieu chapitre 6, lorsque le Seigneur enseigne les disciples, aux disciples à prier, lorsqu'il enseigne aux disciples à prier, il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit, que ton règne, il dit que son règne vienne. Donc, il y a introduction d'un style de règne que Dieu veut, pas vrai? C'est pas. Quand, vous dites, quand quelqu'un veut prier, dit notre Père qui est que ton règne vient, qu'est-ce que ça a à voir avec la nourriture alors, frère? Hein? Que quand il finit de prier, dit notre Père, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon aussi alors? Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit, que ton règne. Donc, en faisant ça, on a soif de ça, la manifestation du royaume. On va y revenir pour le royaume. les implications claires par rapport au réveil qui vient, par rapport au programme de Dieu, par rapport au royaume, par rapport au don spirituel, par rapport au royaume. Tout ça, on va balayer. D'accord? Alors, lorsque on prie en disant que ton règne vient, puis la troisième chose qu'on dit, c'est quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel, frère? Pour qu'on veuille que ça s'accomplisse également sur la terre. Donc les gens de la terre sont têtus. Donc sur la terre, il y a la têtutesse. Il y a la résistance à la volonté de Dieu de s'accomplir. Donc le but de Dieu, c'est que pour que ce règne vienne, il faut que les décisions qu'il a préétablies dans le ciel se manifestent sur la terre. Il donne donc au milieu des hommes des dons hommes. Il dit donc c'est au travers de l'église qu'on va voir maintenant cette manifestation-là. Sa volonté doit s'accomplir. Alors ici, il dit donc que, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce qui est la volonté de Dieu. Ça veut donc dire, hein, écoutez très attentivement, depuis le haut. Pour que l'on entre dans le plan où on est en train d'aider, ou bien de manifester le royaume, ou bien mettre sa pierre de contribution à la manifestation du royaume de Dieu, première chose, il faut l'abandon. Voilà, c'est par là qu'on a commencé dans ces Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps. Vous devez abandonner. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera votre pas, un culte, pour que vous participez maintenant au jeu de culte. Ne vous conformez pas. Deuxième chose, tu dois comprendre que le système humain est un ennemi à l'avancement. Ne vous conformez pas, soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence. Donc, si tu sors du système humain, il faut que tu sois nettoyé pour être propre, pour être utilisé dans le royaume. Il dit, je suis dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Vous suivez? Il dit, pour que vous soyez donc utile pour faire cette volonté dans ce qui est bon, agréable et parfait, pour première chose, l'abandon. Deuxième chose, le nettoyage complet et total. Dislocation des systèmes humains. Troisième chose, maintenant, vous pouvez entrer dans le royaume en marchant comme il le veut. C'est-à-dire quoi par rapport aux dons et les appels? Donc, les dons et les appels ne sont pas destinés à construire des systèmes et des traditions humaines, mais bien plus à manifester le royaume de Dieu sur la terre. C'est pour cela que ces dons-là sont donnés. Les dons tels que vous voyez dans la Bible seront manifestés, mais puissamment. Plus puissant, comme on a vu l'abondante là, n'est-ce pas? Donc, c'est que la Bible nous a enseigné, comme nous a lu à l'entrée ici, dans ces Jacques chapitre 1, verset 18, que ce qu'ils ont reçu là, c'était des prémices. C'est les prémices, donc les premiers fruits. Les mangues qui viennent par la suite n'est pas différent en goût par rapport aux mangues de prémices, comme on a pris là l'exemple. Mais la différence, c'est que c'est en abondance. C'est en abondance, d'accord? Donc, les premiers des apôtres étaient des prémices. À la fin, on est nombreux. Mais la puissance du Saint-Esprit doit se déverser puissamment. C'est-à-dire quoi? Les gens ne seront plus sous leur propre contrôle. C'est pour cela que si ta volonté s'exerce, Dieu ne peut plus travailler au travers de toi. Il faut que, première chose, les volontés soient disséquées, découpées, balayées et nettoyées. Si ta volonté et les volontés des hommes qui t'ont construit et de la société qui t'a construit se trouvent là-bas, ça sera en conflit avec la vérité révélée. Les pensées humaines que nous avons vont commencer à nous bloquer. Que tu ne penses pas que comme il fait comme ça, c'est sûr que c'est le serpent qui est sur ses pieds. Il ne sera plus l'air de penser, il sera l'air de dire, je t'ordonne de quitter. De savoir exactement de quoi il est question. C'est 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons lu aujourd'hui, que ce sont des choses que Dieu a prévues d'avance. Et ces choses-là, il les a révélées à nous. Pas vrai? Puis il dit que nous avons la pensée de Christ. Dieu désire que l'Église soit remplie de la pensée de Christ. L'apôtre Paul a prié dans ses Éphésiens chapitre 3. Il dit, comprends ce que je dis. Le Seigneur te donnera l'intelligence. Comprends, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes ce que le Seigneur le dit. Dieu va te donner l'intelligence de comprendre, de saisir ce que le Seigneur le dit. Puis il dit qu'il veut, non seulement l'apôtre Paul va comprendre sa révélation, il dit que, afin qu'on comprenne avec tous les saints. tous les saints doivent comprendre la grandeur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Il dit que c'est avec ça qu'il travaille, avec son esprit qui se manifeste efficacement en lui. C'est le même esprit qu'il a déployé pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le même esprit-là, c'est ça qui va venir sur l'Église. Le Saint-Esprit de Dieu. Vous suivez, frère? Alors, on peut avancer. Okay. Verset 3 dit, par la grâce de... Ah, vous avez la peine. Par la grâce qui m'a été donnée. Oui. Je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui. De ne pas avoir de lui un même. Allons-y. Par la grâce qui m'a été donnée. Oui. Je dis à chacun de vous n'avoir pas. Frère. Dis ah. Allons-y. Ah. Non. Dis A. A. Je crois qu'il te faut les entraînements, pas vrai? Allons-y. Dis B. B. Dis T. T. Dis Je. Je. Jésus. Jésus. Mais lis à haute voix. Par la grâce qui m'a été donnée. Ça arrive quand même. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une. Oh, c'est comme ça va. Vous voyez, il dit que par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je vous dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Maintenant, de revêtir des sentiments modestes. Regardez, l'apôtre Paul dit en réalité que le fait que tu aies des dons spirituels, nous parlons des dons et des appels, ne doit pas faire attention que tu te retournes sur toi. C'est pour cela que tous les dons détournés de la terre, ce que j'en ai parlé, des traditions humaines établies et mélangées avec la religion, dont Dieu veut faire nettoyer par la restauration des doctrines, vous allez remarquer que tous ceux qui avaient le don spirituel dès le départ, on ne portait pas le regard sur eux. Et lorsque le regard était porté sur eux, on détournait directement. Je vais prendre cas par cas pour vous comprendre. C'est normal que lorsque le don spirituel se manifeste, on commence à vous considérer comme si vous étiez très important. C'est normal. Il dit bien, c'est normal sur le plan humain. C'est pour ça qu'il dit, sur la terre, c'est toute la têtuité, c'est la résistance contre Dieu. Au ciel, on connaît qui est qui. On respecte la hiérarchie tout en n'adorant pas la hiérarchie, ni le hiérarchique, mais celui qui donne l'hiérarchie. Au ciel, c'est établi. D'accord? Lorsque l'ange, dans ce dernier chapitre 10, expliquait la vision à Daniel, il a dit que Michael, l'un des principaux des chefs, il connaît Michael comme l'un des principaux des chefs. Il respecte sa hiérarchie, son grade. Mais cet ange adore Dieu. Mais sur la terre, il y a quelqu'un derrière cette porte qui vient de créer des problèmes. Lorsque sur la terre, une grâce est accordée à quelqu'un, l'être humain est astreint à vouloir adorer cette personne. On va jusqu'à se prosterner même devant les hommes. Ce n'est pas mauvais. Mais lorsque c'est un signe d'adoration, il y a un problème. On prend la gloire qui est réservée au Seigneur. Prenez l'apôtre Pierre lorsque Dieu envoie Corneille de dire d'aller le faire venir. Si vous lisez votre Acte des Apôtres, chapitre 10, le verset 24 et suivant, la Bible déclare que lorsqu'il est arrivé, toute la maison de Corneille était prête. Souvenez-vous, c'était un capitaine de l'armée. Il a couru derrière Pierre, devant Pierre. Il n'a pas regardé l'apparence de Pierre. Il a seulement compris que si un ange sort du ciel et envoie qu'on appelle cet homme et que c'est lui, il doit être spécial. Premier réflexe humain, la Bible déclare qu'il courut et se prosterna, jeté à ses pieds. Allons-y d'abord, on revient dans ce Romain chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous y êtes? Il est à partir du verset 24. Ouvrez rapidement, on avance. On a assez de temps pour parler. Regardez bien. Verset 24. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis. Et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et. Mais Pierre le releva en disant : Lève-toi, moi aussi je suis un. Vous avez vu ça, frère ? Vous avez vu la réaction de celui-ci ? Voici ces choses-ci que ne comprenant pas, ça amène l'orgueil. L'apôtre Paul donc dit dans ses Romains chapitre 12. Verset 3, que par la grâce de Dieu qui m'a été accordée, j'ai dit à chacun de nous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Dans 1 Corinthiens, il va encore redire ça autrement. Il dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Les dons spirituels, comme je l'ai dit, sont prédestinés et c'est une grâce, c'est par grâce que tu te trouves là-bas. On n'a pas, mérité n'importe quoi parce que personne n'était avec Dieu pour dire que Seigneur choisit moi pour que je sois ici, pour que je sois prophète. Personne n'était là. Il a choisi dans le conseil de sa volonté. Et donc, ça ne doit pas faire l'objet du fait que tu méprises l'autre. Parce que comme on a vu dans les enseignements que j'ai pris ici, là, l'un a besoin de l'autre. Si celui qui a besoin de l'enseignement, celui de don de guérison a besoin de l'enseignement, il va écouter l'enseignement, il sera béni. Quand celui-ci qui a l'enseignement va avoir son enfant malade, il va amener dans l'enseignement va guérir. Nous avons besoin les uns les autres. Quand vous avez le dos qui vous gratte, vous envoyez la main là-bas, vous grattez, vous êtes à l'aise, c'est pas vrai frère? Quand vous grattez, vous fermez les yeux comme ça, l'un apprécie. C'est pas ça mon frère. Quand vous buvez une eau là, quand c'est fraîche, vous avez vraiment soif. Quand vous buvez, vous voyez quand ça tombe dans votre palais, vous faites, tout le corps est satisfait. Mais c'est la langue qui a goûté, la main n'a pas goûté, mais tout le corps est satisfait. N'est-ce pas mes frères? Alors, voici ce que l'apôtre Pierre a fait. Lorsque Cornel l'a vu, naturellement, il allait se procéder devant lui. L'apôtre Pierre le relève. Il avait dit de quelque Pierre le releva en disant que quoi? Lève-toi, parce que je suis moi aussi un. C'est-à-dire, il dit clairement qu'il n'y a pas de différence entre toi et moi. D'accord? Allons au chapitre 14, là, rapidement. Nous sommes au chapitre 10. Vous y êtes. Je vais lire à partir du verset 8 pour que vous voyez encore une fois de plus. Donc, remarquez bien que c'est la manifestation de la grâce de Dieu qui apporte toujours ces choses-ci. S'il marche et personne ne le connaît, on va seulement dire que c'est un vanipieux. Vous voyez? S'il marche et qu'il ne fait, il n'y a rien qui s'opère, il va croire que c'est un vanipieux. On va dire de lui que c'est un vanipieux parce qu'en fait, il n'avait pas d'attroupement pour plaire aux gens, pour attirer l'attention. Sinon, il dit des clochards. Mais maintenant, lorsque l'ange envoie, quand c'est un ange qui vient dans la vision, envoie. À Jopé, appelé un nommé Pierre. Il est en bord de mer chez un corroyeur nommé Simon. Quand la vision que David dit, si c'est un ange du Seigneur, celui qui a créé l'univers, qui vient désigner un homme sur la terre que va vers lui, cet homme doit être spécial, c'est la pensée humaine. Lorsque ces choses arrivent, on doit se tourner vers Dieu pour dire Seigneur, merci pour ta misérie, pour ta miséricorde. Regardez ici, verset 8. Je ne sais pas où je me trouve là. Ça va se retrouver le verset 8. Ok, maintenant. Verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Vous avez remarqué que maintenant, que même si les miracles s'opèrent maintenant, il y a la rééducation. On a besoin même de la médecine pour venir authentifier. Écoutez très attentivement. Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Dieu n'a pas besoin de la science pour venir confirmer que ce qu'on a fait est vrai. Qu'on vient tester que vraiment, il est vraiment guéri. C'est pour cela que cette puissance qui sera déversée, ça va fermer les bouches. Il vient fermer les bouches. Quand on va faire quelque chose, maintenant, quand les gens sont touchés de cette façon ou d'une autre façon, on essaie de faire. Vous voyez que même quand quelqu'un marche, il ne marche pas bien, pas vrai? C'est ça qui montre qu'on a besoin d'un réveil plus grand que ça. Même quand on prie, la personne voit, quand il voit un peu flou encore. On a besoin d'un plus grand réveil. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont les yeux manquants, on a dû mettre les prothèses. Les prothèses. Les prothèses des yeux, c'est-à-dire quand vous voyez quoi que c'est l'œil, parce que c'est vide. L'œil va devenir là-bas. Amen. Parce qu'il y en a d'arriver. Mais souvent, une fois étant des prêcheurs quelque part, mon épouse connaît bien cette histoire, il y avait une femme à côté. Elle avait les dents qui étaient malades. Les dents. Moi, je ne connaissais pas, c'est elle seule qui connaissait. Quoi que mon épouse connaissait cela, cette histoire. J'ai fini de prêcher. Ce n'est pas la catéchisme. Quand on dit qu'on prêche, on dit que c'est le moment pour la prière, pour la guérison. J'ai prêché, frère. La dame a fait pop, ça sortit. Elle a fait. J'ai vu la raison de la seconde. Mais c'est quoi? La dame est sortie. Elle n'avait pas d'argent pour aller chez le dentiste. Quand elle pensait, c'est pas. Pendant qu'elle prêchait dans sa tête, c'est que. Ma dent, tu vas me tuer. Elle avait la main sur la joue comme c'était un vœu. J'étais en train de prêcher. Je ne me souviens même plus quel message j'étais en train de prêcher. Mais je ne prêchais pas sur la guérison divine, ni sur la puissance divine. Je prêchais tout simplement. Le Saint-Esprit allait là-bas enlever ce qui était là-bas, la douleur. Alors, c'est quoi? Ma dent est sortie. Qu'est-ce qui se passe, frère? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le moment va arriver, c'est le moment où c'est les trous des dents là qui seront remplacés par les dents. C'est-à-dire que tu avais le vide où tu passes, quand tu rires, tu fais. Parce qu'il y a le vide. Tu as fait. Tu sens la dent dans la bouche. C'est la blague ou quoi? que là, vous savez, il y a les gens qui ont les prothèses dentaires, quand ils parlent, quand ils rient, quand quelqu'un tourne à la maison, pouf, ils couillent pas mettre ses dents, ils arrivent. Mais on fait, tu crois que c'est la dent, alors que c'est les artificiels. Dieu va bouleverser ces choses-là. Ce sont des authentiques choses qui vont arriver sur la terre. Quand quelqu'un, vous connaissez que la, sa main était comme ça de longtemps, qu'on a coupé ici, peut-être, a fait l'accident, ça s'est coupé. Et que vous voyez, un de ces jours, on a des prêcheurs comme ça, la personne se lève, il va vous dire bonjour, il va vous dire, sa main ne sort pas. Lui, avant que lui me dise, mais je n'ai pas de main, comment je salue quelqu'un? Vous allez savoir que c'est le Dieu vivant qui est sur la terre. D'accord, frère? Regardez ici. Alors, il dit, c'est le don des miracles qui apportent ces choses. C'est quand Dieu se manifeste que ça pousse les hommes à vouloir considérer les autres comme étant surnaturels, comme étant des hommes extraordinaires. Non. Dieu utilise généralement les gens ordinaires pour faire de telles choses. Des gens ordinaires. Enfin, le cas de l'apôtre Pierre, c'est un cas typique. On dit que ce sont les gens du peuple, sans instruction. Parce que l'instruction, c'est un obstacle clair à ces choses-ci. Amen. Tu ne penses pas quand même que Caïphe, Nicodème, là, nous avons compris que nous savons que ça nous a dépassé ta part là. Parce que tu fais des choses là, personne ne peut être fait ces choses si Dieu n'est avec lui. Parce qu'il a étudié avec sa science, fait les calculs, n'importe comment ça pas donner. Parce que ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique qu'on prenne la terre, on fait la boue, on met sur les yeux et ça s'ouvre. Ce n'est pas logique. Il y a une logique là-dedans? Non. Ce n'est pas logique de dire à quelqu'un, un lépreux, que va, présente-toi au sacrificateur. En allant en route, la lèpre sort. La lèpre bouffe les doigts. Donc ça bouffe jusqu'à ce qu'elle peut bouffer, jusqu'à ce que toute la main, ça passe, ça bouffe, la main sort. La personne regarde comme ça, c'est sain. La parole, frère, si tu le veux, sois pur. Vous savez, dans ce livre de Matthieu, Marc chapitre 1, je le veux, sois pur. Il dit, je le veux, sois pur. La main est purifiée, comme un bébé. C'est pas logique, ça, frère. Vous allez mettre quelle est la formule pour trouver ça? Aucune. Alors, d'aller écrire des livres sur la démonologie. Que la plénitude du Saint-Esprit, vous faites comme ça, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, Dieu a mis le calcul là-bas en haut. Alors, regardez ici, chapitre 14 des Actes, d'après verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, ah frère, et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Ça c'est bouleversant. Vous voyez ça frère? Comment on peut voir la foi, que quelqu'un avait la foi? Paul fixant les... Il allait les prêcher, subitement il se tourne vers lui, il fixe les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il y a quelqu'un qui est chargé de donner le compte rendu. L'apôtre Paul fait comme ça, il passe sur la situation. Quelqu'un, on vient de lui raconter la chose qui se passe. Luc est là en train d'observer, parce que Luc est présent. Il est en train d'observer. L'apôtre, après, c'est lui qui explique ce que l'apôtre Paul a dit de vivre. L'apôtre Paul ne dit pas que Luc mentionne que j'ai quand même fixé comme ça, j'ai vu la foi. Oh! Vous savez, c'est question de dire. C'est pour cela que l'époque a tellement de problèmes. Parce que quand tu fais comme ça, quelqu'un dit pourquoi tu faisais comme ça. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu faisais. Personne ne veut entrer dans la dimension de l'esprit pour savoir de quoi il est question. Personne ne veut aller dans l'esprit pour savoir de quoi il est question. Personne. Qu'est-ce qu'on peut conclure quoi? De deux choses l'une. Comme on ne connaît pas, on fait quoi? On commet des blasphèmes. Ou bien on rejette, ou bien on imite. Dans les trois cas, tu as des problèmes avec Dieu. Donc quand quelque chose est manifesté et que tu ne saisis pas, quand ça ne comprend pas, quand ça te dépasse, fais les 100 pas à la maison, ça te dépasse. Dors-toi dans la méditation, peut-être Dieu peut te dire, mais n'ouvre pas ta soupape pour blasphémer. Vous vous souvenez de l'événement que vous racontez par rapport aux frères chrétiens, je ne sais pas, la majorité d'entre vous qui étaient à l'opon, quand ils chassaient une fille un soir, là, vous, qui sont ceux qui étaient là? Papa, t'as dit que tu étais là. Tu avais la prière. Ce jour-là, les gens étaient debout. Tu étais aussi là. Les gens étaient debout, fatigués parce qu'ils avaient peut-être des prières. Il y avait une jeune fille là comme ça. Parce qu'ils m'avaient longtemps posé des questions. Frère Junior, pourquoi quand tu demandes aux gens de prier pour les gens et puis tu viens chaque fois pour l'aider, il faut nous laisser travailler. Nous parlons du don spirituel et des appels. Quand elle a dit ça, j'ai continué à faire autre chose. Mais j'ai pris la question, j'ai gardé. J'ai seulement dit, ok, je vais vous laisser travailler. Alors un jour, quand on a dit on priait ce soir-là, oh, l'atmosphère était vraiment bonne, pas vrai, Papa Tanya. Même toi-même, tu pouvais prier là, c'est pas... Papa Tanya a prié jusqu'à ce que sa prière finisse. En fait, c'est même le frère Christian qui a fait cesser la prière des gens. Il avait déconcentré, non? Papa Tanya était debout avec maman Edith. Elle dit, Seigneur, prie pour que mon amour grandisse toujours pour moi, Edith. Pour que je l'aime toujours beaucoup. Alors, quand j'ai péché cette fille, la jeune fille, alors que, vous savez, quand la personne est normale et assise là, sans que cet esprit-là ne se manifeste, ouais, la personne est calme devant vous. Quand elle regarde dans ses yeux, les petits yeux rouges, là, quand elle regarde comme ça, est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il me voit? Mais quand c'est dans l'autre dimension, ça se trouve. Ouais, quand vous approchez vers la personne commence à fuir seulement. Sans savoir pourquoi elle a envie de fuir. Il est plus comme ça. Viens ici au milieu. Il est mis là au milieu. Il dit, frère Christian, viens. Ce n'est pas les muscles qui font chasser les démons, parce qu'eux, ils sont plus musclés. Ils se réduisent seulement pour entrer dans le corps. Vous comprenez, frère? Il allait là-bas, au nom des gens qui étaient devant sortir. La fille passait le temps, elle allait d'un côté à l'autre. Frère Christian était derrière, au nom de Jésus-Christ. Il a fait comme ça pendant combien de temps? Il ne faut pas attendre. Ça a mis long. C'est là où tu as fini ton prière, mais qu'est-ce qui ne va pas au milieu? J'étais debout, j'ai observé, il le sait travailler. Parce qu'il avait dit que, pourquoi quand il donne les... Quand il demande aux gens de prier, il leur demande il leur indique. Oh frère, je t'en ai dit, c'est parce que tu en as dit que lorsqu'on fait telle chose à cette église, à cette époque, il faut expliquer. Mais l'apôtre Paul n'a jamais expliqué ce qu'il a fait ici. C'est Luc, par le Saint-Esprit, qui voit ce qui se passe et explique. L'apôtre Paul ne fait pas pour venir dire aux gens que, quand vous avez vu là-bas, quand il met mon mouchoir comme ça là, l'onction de Dieu coule sur ça, ça transforme le mouchoir. Quand le prédicateur faut dire que le mouchoir, c'est comme vous voyez là. 300 francs, ça peut être 300 francs, ce n'est pas n'importe quel mouchoir. Si vous avez apporté pour vous dans l'église, ça ne peut pas marcher. Il faut que ce soit le mouchoir que vous avez acheté dans ce ministère. Vous entendez, vous voyez ce que là, ça va là, frère. Alors, frère, qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Il l'a balancé, il a balancé. Je l'ai laissé balancer pendant plusieurs heures. Il reste là-bas. Et regardez, il y avait les temps pour pas tanner à Bidlo. Les gens à Bidlo, il dit, ah, si on le laisse comme ça, il va le balancer toute la soirée. Or, à un moment donné, pendant qu'il faisait, quand c'est fait aller comme ça, boum, le démon qui se trouvait dans son corps s'est délocalisé. S'est tenu à une position d'abord à l'angle. Là, il était debout là. Le corps a continué à faire comme ça. Le corps a continué à faire comme ça. Il était tué de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je pouvais observer la scène, le corps balançant, l'esprit se tenant debout. Et donc, il y avait trois entités là-bas, enfin quatre, avec l'assemblée qui voyait le finiment. On était là debout, tenant. Il était là, il court derrière, la fille va pas ici, la fille va pas ici. Pour couper la scène, il dit, frère Christian, viens, laisse-la tranquille. Elle était debout comme quelqu'un qui avait saoulé. Vous savez, quand quelqu'un a saoulé, il balance. Il dit, viens ici. L'esprit est là, l'esprit est lié. Parce qu'au milieu de l'assemblée des saints, il y aura le silence qui sera imposé à l'ennemi et au vindicatif. Il tend la main là-bas. Il a tendu la main. Pour lui, c'est le vide. Pour lui, c'est le vide. La question c'est, il va se poser la question, pourquoi il lui demande de tendre la main ici et non à une autre direction? Il tend la main ici. Il a tendu la main. Il n'est pas dit au nom de Jésus. Il tend la main là-bas, il a tendu la main. Vous avez vu, la fille avait les yeux fermés. Elle rentrait en dandinant, se tenant vers la position. Parce que cette fille, si vous dites, tu es libre au nom de Jésus-Christ, quand elle sort là, en lui, l'assemblée, l'esprit là, en donc c'est cet esprit qu'il faut chasser. Alors, il est venu, l'esprit a réintégré le corps. J'ai arrêté sa main, il dit que tend ça du côté gauche. Elle est tendue, vous avez, bam, la fille est allée au sol, bam, maintenant l'esprit est sorti. Il dit que. Tu es libre au nom de Jésus. Le frère qui s'est tenu là-bas debout, vous savez, tout pouvait défiler dans sa tête. Comment donc vous pouvez expliquer ceci aux gens? Comment au moins vous pouvez expliquer ceci aux gens? Donc le moment arrive où, pendant que quelqu'un sera en train de prier spirituellement, ou serait en train de voir spirituellement ce qui a laissé passer. On n'a pas besoin d'explication pour cela. Parce qu'en fait, l'explication n'est pas pour tout le monde. Même si on dit à tout le monde, vous allez, par exemple, vous qui êtes nouveau ici, vous allez commencer à dire qu'il raconte les bobards, ou bien c'était, ou bien c'est le film, ou bien c'est le rêve. Mais les gens qui avaient été présents savaient ce qui s'est passé. Alors les dons spirituels sont faits pour l'église. Les dons spirituels, c'est ici en bas qu'on les utilise. N'essayez pas en disant que quand je vais mourir, je vais manifester mon don spirituel en haut. Ce n'est pas là-bas. Là-bas en haut, c'est les louanges, l'adoration et la restauration totale. On est dans la dimension totale de ce que nous avons toujours aimé. Ici, les dons spirituels, c'est ici. C'est pour l'utilité du corps. Pour qu'on ait soin les uns, les autres. Donc nous sommes co-ouvriers envers Dieu de telle enseigne que une partie de Dieu en toi donne son service à l'autre. Pour que Dieu ne fasse pas de telle enseigne que c'est un membre qui devient le corps ou bien que le corps dépend d'un seul membre. Il a dispatché les tâches de telle enseigne que les uns soient en service les uns les autres et que les uns aient besoin les uns des autres. C'est pour cela qu'il a dispatché ça comme ça. Ça veut dire tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Tu as quelque chose en tant que membre du corps à donner. Et tu dois recevoir quelque chose à un autre membre. Gardez-vous à l'esprit que je ne suis pas en train de dire que les membres ici. Parce que le corps de Christ ne consiste pas seulement en nous. Je ne suis pas en train de dire que j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi ici, ou bien on a besoin des uns des autres ici. Non. Ce n'est pas nous seuls qui formons le corps de Christ. Les enfants de Dieu sont disséminés partout sur toute la surface de la terre. Même si vous ne souhaitez pas, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux sur certaines doctrines, même si vous n'êtes pas encore arrivé à la connaissance au même niveau, il n'en demeure pas moins que vous êtes les frères. C'est ça que je suis en train de dire, que lorsque celui-ci explique quelque chose, il entre dans les mystères. Si celui-ci n'a pas encore compris, il ne doit pas dire que ce que tu enseignes là est faux, sans avoir de fondement. C'est ça. Verset 9. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. C'est dépassant l'entendement, ça. Voyant comment quelqu'un peut... De toute façon, continuons ici. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte. Tu as vu ça, frère David? Il a dit d'une voix quoi? Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, chapitre 14. Nous sommes au verset 10. On a dit, il a dit d'une voix? D'une voix? Forte. D'une voix forte, voilà. Lève-toi droit sur tes pieds. L'apôtre Paul n'a pas prié, frère. Vous voyez, ça c'est les prémices. Ça c'est les prémices. Il n'a pas prié. Maintenant, regardez. Dans Jacques chapitre 5, dont nous avons cité ici dans le départ, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient. Ça, c'est parmi les chrétiens. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient. Alors, on a dit au nom du Seigneur. Et regarde, il se trouve ici dehors. Il ne va pas vers lui, il dit qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande toi, puis redresse-toi. Après, il se tourne en haut, que Seigneur, ne me souille pas ici. Non. Non. J'arrive là maintenant, quelque part, on va meubler quelque chose là maintenant. Tout à l'heure, vous allez que on va tourner autour de la volonté de Dieu là, n'est-ce pas? Nous sommes en train d'arriver. Maintenant, la Bible déclare qu'il en est de prêcher, subitement, il se tourne. Se tourne. Fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il a la foi pour être guéri. Il a la foi. On dit, le verset 8 dit que à Lystre, donc c'est à Lystre, ce n'est pas un juif. C'est pas un juif. On dit qu'il a la foi. Et la Bible déclare dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. On ne dit pas que, comme l'apôtre Paul prêchait, il a reçu la foi pour être guéri. On dit qu'il a certainement tourné le regard. Il a la foi pour être guéri. Il a dit, lève-toi droit sur tes pieds. L'apôtre Paul n'a pas prié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsqu'on ne comprend pas ces choses, tu vas voir quelqu'un va te dire, lève-toi, c'est le moment, terminé, quitte. Après, tu restes tranquille, dis que, frère, je t'avais tout dit que le frère Junet n'est pas bon. Tu as vu, est-ce qu'il a prié au nom du Seigneur? Jesus. Tu as entendu, il a sorti le nom de Jésus dans sa bouche. Maintenant, les gens qui sont dans la sorcellerie, qui utilisent le même water, ils tendent la main sur toi, ils disent au nom de Jésus, mais tu reçois un autre esprit. Tu dis que, hey, le pasteur là, il est vrai, il a prononcé le nom de Jésus. Ah, frère, il est temps que nous grandissons. Il est temps que nous grandissons. Si on vous a expliqué le B.A.B.A. en prononçant le nom de Jésus-Christ, ça montre qu'il est un serviteur de Dieu. Oubliez cela. La Bible déclare dans Romains chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 12, commençant par le premier verset, nous avons lu ça ici dans la première partie de cet enseignement. On a dit, nul ne peut prononcer que Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Pas vrai? Et nul, ce qu'il parle par l'Esprit, nous dit Jésus-Christ est Anna. Tous les faux pasteurs là, qui prêchent sur l'argent pour prendre l'argent des gens, vous allez entendre quelque part, il a dit que Jésus est anathème. Ils sont trop sages pour dire ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en heureux vrai? Non. Hein? Maintenant, demande à n'importe qui, n'importe quel pasteur, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Mais parmi tous ceux qui vont dire oui, il y a le faux. Hein, frère? Donc, la prononciation du nom de Jésus-Christ, lorsqu'on fait une prière, n'est pas authentifier la personne qui prie au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ est devenu comme label maintenant. Il n'y a personne qui viendra sur la terre pour venir faire le miracle au nom de Satan. Et vous allez entendre et rester sur place. Personne n'ira plus dans son église. Pas vrai? Regardez à la télévision, regardez n'importe où. Même les gens que vous savez que celui-ci est faux, quand il prie, il dit au nom de... Mais pourtant, vous savez qu'il est faux. Nous sommes d'accord, frère. Il chante lui-même Jésus-Christ parce que vous voyez, les larmes coulent. Les larmes, là, c'est que je vais traiter l'argent des gens ici. Que Jésus, quel manque déposé. Ah, tu donnes l'argent ici, dehors, l'argent que même l'État ne contrôle pas parce qu'il n'y a pas quoi vous appelez les impôts là d'ici. David, voyant qu'il avait la foi pour guérir, il dit, lève-toi sur tes deux pieds, droit sur tes pieds. Alors, il n'a pas prié au nom de Jésus-Christ. Il a ordonné avec puissance la guérison. Nous voyons la même chose dans le chapitre 10, chapitre 9, verset 36 et suivant, avec Tabitha, le cas de Tabitha, n'est-ce pas? Où il s'est mis à genoux, il a prié, prié, prié. Il s'est prié. Il s'est levé. Il s'est tourné vers Tabitha. Tabitha, lève-toi! Ah, frère, c'est merveilleux. Ça, c'est les prémices. Et la Bible déclare qu'il y aura l'abondante gloire à la fin. Ça ne vous donne pas quelque chose dans le cœur là maintenant de vouloir y participer? Alors dis à ton voisin, prépare ton don en conséquence. Prépare-toi à tout perdre. Pour gagner cela. La Bible nous enseigne que jamais aucune prophétie de la Bible ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Puis il explique qu'aucun homme qui a prophétisé dans le temps et qui prophétise ne peut le faire par ses propres volontés ni par sa propre pensée. Mais ces gens-là étaient localisés, move. Poussés par le Saint-Esprit. Ils ont parlé par le Saint-Esprit de la part de Dieu. Ça veut dire aucun don spirituel ne peut et ne doit se manifester si le Seigneur ne le veut. Aucun don spirituel. Ça veut dire que ceux qui marchaient pour prophétiser étaient des. C'est quand même terrible ça. Je vais finir de dire ça, donc je vais m'arrêter comme ça, vous allez vous rafraîchir. Ceux qui marchaient et qui prophétisaient étaient des prophètes. Donc, malgré qu'ils étaient des prophètes, ils ne pouvaient pas prophétiser sans être poussés par l'eau. Pourtant, ils étaient des prophètes. Ils étaient dans l'office des prophètes. Ayant l'esprit des prophètes, ils prophétisaient par la volonté de Dieu. Ainsi en est-il de tous les dons spirituels. Vous ne verrez pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, laissons les disciples du Seigneur Jésus-Christ tranquilles. Prenons le modèle exemplaire. Dans la cinquième partie de cet enseignement, nous allons développer là-dessus maintenant par rapport à la volonté de Dieu, les manifestations du don spirituel par rapport à la volonté de Dieu. Maintenant, mettons-y un pied maintenant parce que vous êtes dormant là. J'aurais souhaité vraiment avancer là-dessus, vraiment jusqu'à 21h. Allons-y dans Jean. Non, je vais citer. Le Seigneur Jésus-Christ était un modèle exemplaire, pas vrai? Lorsqu'il part prier sur la montagne, il descend pour choisir les apôtres. Tous sont ses disciples, pas vrai? Mais il en choisit 12 qu'il fait appeler quoi? Apôtres. On a comme impression qu'il vient comme ça, il te regarde que ta tête me plaît. Le gars, si David s'y parle doucement, il ne peut pas prêcher fort. Pas ta nièce voit une grosse voix. Quand il commande comme ça, on peut croire que c'est les élèves qui sont têtus qui vont sortir. Il choisit. Ah non, il ne fait pas cela par sentiment humain. Le chapitre 17 des Jean nous révèle, lorsqu'il est en train de prier pour eux pour sortir du monde, nous révèle que c'est Dieu qui les a choisis dès le départ et il l'a désigné pour lui. Amen. C'est ça, frère? Amen. Alors, il dit donc dans les évangiles, dans Jean particulièrement, il dit que le Fils de l'homme ne peut rien faire sans avoir vu le Père faire. Amen. Alors, quand Dieu veut guérir quelqu'un, il ne décide pas au ciel là maintenant que guérit telle personne, non. Comment, frère? Viens. Viens. Tends la main à l'assemblée, tu dis ce que tu en as dit. Que sachez ceci. Sachez ceci. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne pouvait rien faire sans avoir vu le Père faire préalablement. Oui. Donc? Donc, je ne peux rien faire sans avoir eu l'instruction du Seigneur. Voilà. Alors, merci frère. Donc, en réalité, le ministère physique de l'Église, voilà le modèle exemplaire dans la Bible. Les dons spirituels sont donnés à l'église. Ça doit fonctionner avec la volonté de celui qui l'a donné. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'il parlait des traditions qu'il faut déconstruire. Aujourd'hui, on veut faire la campagne d'évangélisation pour guérir tout le monde. S'il y avait une grande campagne d'évaluation de guérison qu'on devrait faire, ce n'est pas dans Jean chapitre 5 que Christ devait se manifester pour glorifier Dieu, frère. Avait-il des dons de puissance hors mesure, le Seigneur Jésus? Avait-il le don de puissance hors mesure? N'est-ce pas là, d'après la pensée humaine, l'opportunité de glorifier Dieu? C'est-à-dire, il passe dans, justement dans Jean chapitre 5. Il passe là, là à la piscine de Bethesda, où les gens sont couchés. La Bible déclare qu'il y avait des malades en grand qui attendaient le mouvement de l'eau. Parce que l'ange de guérison passait chaque fois là-bas, il secouait l'eau. On dit, il s'est faufilé au milieu là-bas. Il a trouvé un homme qui était alité depuis 38 ans, paralytique et qui ne pouvait pas marcher. Donc il est né comme ça. La question, frère, c'est que pourquoi Jésus-Christ a guéri celui-ci? Parce que Dieu a voulu qu'il guérisse seulement celui. Alors lorsqu'on organise maintenant avec, parce que tu as eu après dans le ministère un jour deux personnes ont été guéries, tu dis maintenant que apportez, frère, en venant de la maison, est-ce que vous avez les malades amenés? On amène, les personnes ne sont pas guéries, rentrent et disent que tu avais dit que ton type s'est guéri, toi-même tu es déçu de ton pasteur. Parce que le pasteur a invité avec les pensées humaines. Parce que Dieu ne lui est ordonné. C'est ça, n'est-ce pas? Dis des choses qui sont bonnes avec tes propres pensées. Sans la volonté de Dieu, tu prêches dans le vent. C'est pour ça que les prédications doivent être des nourritures au temps convenable. Le temps que Dieu veut pour son peuple que connaissez telle chose, il les révèle. Le temps que Dieu veut que c'est le moment de prêcher telle chose, prêcher. Je vous avais dit quelque chose. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, le 20 septembre, il y avait trop des enseignements sur l'enlèvement, non? Ça se trouve encore? Vous parlez. Les gens ont peur. C'est le moment où on ne parlerait pas de l'enlèvement que ça va avoir lieu. Les nourritures spirituelles autant convenables doivent être données. Et si c'est donné, parce qu'il sait effectivement quelle est le pâturage pour ce moment-là. Vous suivez, frère? Amen. Le Seigneur donc ne peut pas venir faire quelque chose sans que Dieu ne l'ait ordonné. Sans que Dieu ne l'ait ordonné. Il faut que Dieu ait ordonné que telle chose doit être faite pour qu'il le fasse. Il dit que le Fils de l'homme ne fait rien de lui-même. Mais ce que le Père fait, il le fait. Dieu agit, il agit pareillement. Le Fils, il ressuscite les morts, il ressuscite. Donc, les résurrections du Seigneur Jésus qui se passaient d'abord dans la vision. Les miracles se passent d'abord dans la vision. Alors, la journée, il peut passer d'abord tout autour. En fait, tout sur la terre donc, est réglé selon la volonté du Seigneur. Et chaque fois dans les enseignements, il vous dit, Dieu peut bouleverser tout le monde entier. Fait qu'on signe les décrets pour une seule personne sur la terre. Il est prévu dans la Bible qu'il naisse à Bethléem. Selon le livre de Michée. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas certes la moindre des enfants de oh mon Dieu, pardon, d'accord? Ça fait mal là. Tu es sûr que si c'était autre personne, tu n'as pas dit comme ça? Ou bien tu fais à cette personne? Il dit, de toi sortira, nous sommes osés dans celui de Michée au chapitre 5 là, verset 1 et suivant. De toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et dont l'origine remonte au jour d'éternité, n'est-ce pas? Maintenant, dans ce livre-là, c'est prévu que Jésus-Christ naisse à Bethléem. Maintenant, écoutez, je suis en train de vous expliquer quelque chose. C'est prévu que le Seigneur Jésus-Christ naisse à Bethléem. C'est ce que l'Écriture dit. Qu'il doit naître à Bethléem. Dans Matthieu chapitre 2, verset 15, je sais pas, lorsque les mages vont déjouer Hérode, il va aller s'enquérir de la situation que. On dit, est-ce d'un évêque? Les scribes vont dire effectivement, c'est prévu qu'il naisse à Bethléem. Mais Marie est enceinte. Oh! Dieu déclare depuis le ciel. Et on dit maintenant. Et en ce temps-là, Tibet, il faisait ici, il n'était pas ici. Il y a un décret qui est sorti que chaque personne se fasse recenser dans sa propre patrie. Vous vous amusez. Donc Dieu fait. Quand le type là va faire, on dit qu'à ce moment-là, le décret va sortir que chaque personne se fasse recenser. Allons dans le livre de Luc. Luc là. Il peut vous en prendre comme ça des tonnes dans la Bible, pour que vous puissiez comprendre ce que je viens de dire. Luc chapitre 2. Regardez verset 1. Luc, le chapitre 2. En ce temps, le Dieu que nous servons. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Le type se reste dans son palais comme ça. Il dit, mince, il y a combien de personnes sur la terre ici? faites-moi le recherche que chacun a sur lui. Comme ça, ça risque. Comme ça, on va savoir qu'au Gabon, il y a tel nombre de personnes. Au Cameroun, il y a tel nombre de personnes. Les gens vont se fâcher. Ils cherchent quoi? Dieu cherche à ce que Jésus soit né à Bethléem. La Bible déclare dans ce psaume 135, le verset 6, il dit que tout ce que le Seigneur le veut dans les cieux, il le réalise sur la terre. Dans ce psaume 135, le verset 6. Quand il veut n'importe quoi au ciel, il réalise ça sur la terre. Donc, s'il veut que tu partes en Afghanistan maintenant, en Amérique, tu vas dire que moi, si en Amérique, les gars, c'est une blague. Je vais aller comment? Par l'autorité américaine, tu vois, la pensée humaine entre en action. La pensée humaine entre en action. Qu'on va faire comment pour aller? Peut-être je vais me marier avec une blanche, comme ça, gagne la nationalité pour entrer. Vous savez, les pasteurs qui font la fraude là. Que mon ministère sera international. Dieu m'a révélé que mon ministère sera international. Quel genre de ministère qui est international? International ministry. Vous voyez la pensée humaine, n'est-ce pas? Les choses extempiées de pensée humaine. On commence à aller sur Internet pour chercher des filiales. Après, on met maintenant Kingdom Ministry Aka Living Faith. Tu dis ton nom, c'est quoi? C'est Living Faith. C'est Aka, c'est ici. International Ministry. Bon, il dit, en ce temps-là, parut un édit de César ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa Joseph aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Dieu. Pourquoi quoi? Il reste comme ça aussi. Frère, je veux que vous craigniez qui nous servons. Amen. Donc, s'il a décidé que cet enfant-ci sera princesse, par exemple en Arabie Saoudite, vous êtes à Douala, on ne vous connaît, on ne vous connaît pas. Vous montez, vous descendez. S'il faut changer le nom d'un pays, changer tout le gouvernement pour que cet enfant-ci arrive là-bas, Dieu va faire pour que ça arrive. Rien ne peut lui résister. Alors on a limité Dieu avec notre petite pensée, notre petite dénomination, notre petit groupuscule religieux, au point où on pense que Dieu ne peut pas fonctionner hors de cela. Maintenant, lorsqu'il arrive en Galilée, il descend non seulement cela, dans la ville de Nazareth, il arrive là-bas, il fonce effectivement là-bas jusqu'en Judée. Il s'assoit là-bas pour venir dire que je m'appelle Joseph, mon père était Élie, je suis sorti de la ville de David, on finit maintenant. Tous les recensements, toutes les dépenses qu'on va faire là-bas, c'est pour vous. Dieu cible qui? Jésus de Nazareth. Quand Marie naît, on dit, boum. Ça, c'est seulement pour que le verset du chapitre 6 ne tombe pas à terre sans avoir s'accompli. Amen. Amen, frère. Amen. Donc, il verse sa parole pour l'accomplir. C'est ça, frère? Amen. Il fait comme ça pour que ce verset-là s'accomplisse. Ce verset, il fait que tout le monde entier s'est engagé. Tous ceux qui étaient engagés pour compter le nom comme ça, que tu es né où? Ils ne savent pas qu'ils travaillent comme ça au service de Dieu. Amen. En faisant le recensement, le roi a dit qu'on fait le recensement. Même si il veut même ça, pourquoi? C'est ton... En fait, c'est le roi qui travaille au service de Dieu au ciel. Il leur donne un recensement pour que ça pousse Joseph à partir. Mais frère, je pose la question. Dieu ne pouvait-il pas mettre le désir dans le cœur des... Joseph rentre au pays. Hein, frère, ne pouvait-il pas faire que Joseph rentre au pays ou bien qu'on fasse un appel que Joseph, ton père est malade ou bien quoi que ça, va au pays en allant et Marie accouche. Il fait ça pour que ça soit que l'histoire de Jésus, que c'est une histoire universelle. Chacun sera impliqué. Ça a commencé sur le roi. Donc, avant qu'il ne naisse, les rois étaient bouleversés. Quand il est né, les rois étaient bouleversés. Quand il a grandi, les rois étaient bouleversés. À sa mort, les rois étaient bouleversés parce qu'il est né roi. Vous suivez mes frères? Il y a une autre qu'on appelle Esther, Hadassa. Hadassa, souvenez-vous ce que Mardochée dit. Mardochée dit que quand il a envoyé les nouvelles pour dire que ne crois pas comme tu es au palais, comme ça que Dieu oh, c'est, ça, tu dois savoir que c'est pour des temps comme ça que tu as été au palais. Amen. Donc Dieu, regardant comme ça sur la terre pour délivrer les juifs, prévoit que c'est pas un juif qui va faire passer, il fait passer un juif là-bas jusqu'à ce que le roi vienne choisir cette juive-là comme la reine. On a fait le défilé de mode là-bas, le premier tournage de reine. On a fait comme ça. Chacun a fait comme ça, et passé. Le gars a vu d'un can, c'est ici. Si c'est pour la beauté, c'est pas Adassa qui était plus belle. Si c'est pour la beauté, elle a fait. Lorsqu'elle a fixé les yeux là-bas, le ciel a décidé. Le ciel a décidé que c'est elle que tu choisis. Le moment est arrivé, malgré la loi des maîtres qu'on dit que c'est révocable, immuable. Donc quand tu tentes de mettre ta tête comme ça, le roi te voit. Sans que ce soit ton temps, tu es fichu. Elle a dit que allez gêner pour qu'on trouve grâce devant Dieu, devant lui. Il dit qu'on trouve grâce devant lui. Mais la grâce, ce n'est pas vous qui manipulez, ça se passe en haut. Après, il dit qu'après, il veut entrer chez le roi. Si je dois périr, que je périsse. Après, elle a mis la même chose. Le roi a dit que la loi de. Vous dites que la. Vous dites que la loi des mains est quoi? Il meurt ou pas? Il meurt, mais je suis le roi. Esther, touche ici là, dis-donc. Le roi a oublié la loi. Donc Dieu peut faire que même les hommes outrepassent leur propre loi pour accomplir sa volonté. Vous savez ça, frère? Elle est là-bas, elle a gagné au cœur du roi. Elle a dit que mon ami, Esther. Esther vient là-bas, elle a dit quelque chose. Elle a mis ses cuisses comme ça pour descendre les escaliers. Alors que le gars connaît Esther depuis, elle a dit, mais la femme, si il aime un jar, il aime un jar. C'est pas qu'il aime un jar, c'est le ciel qui bouleverse son cœur. Proverbe dit que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il l'incline où il veut. Il t'incline comme ça, tu aimes une juive comme ça, que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Ta femme, hein, vous ne connaissez pas. Quand elle a fait ça, non, le roi dit que, merde, Esther, même c'est la moitié du royaume. Si les femmes d'aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Il va dire que un roi, monsieur le roi, répète ce que tu as dit. Il dit que oui, il dit que okay, donne-moi depuis le royaume, c'est jusqu'à mal. Quoi. Bon, oublie même la destinée. Mais le cœur d'Esther et les destinées, tous les plans, tout ce qui se passait là-bas était sous le contrôle du Saint-Esprit. Remarquez très bien. Parce que le but pour lequel elle était là-bas, c'est pour préserver la race saine, pas pour les désirs charnels et mondains. Si c'était ça, il devait demander cela. Il dit demande, même si c'est la moitié du royaume. Il a réitéré ça même trois fois, cette même demande-là. Esther a dit que non, que le roi vit éternellement, viens manger. Le gars dresse comme ça son cœur, dit qu'est-ce que Esther va dire qu'elle ne m'aime plus ou quoi. Mais peut-être elle veut m'abandonner le trône. Esther, tu es belle. Yeah, Esther, dis-moi, Esther, c'est le royaume que tu veux. Mais regardez une autre femme encore, une femme. Elle a fait comme ça, waouh. Et Rora a dit que demande-moi ce que tu veux, même la moitié du royaume. Elle dit non, pas la moitié, il veut la tête de Jean-Baptiste. Alors, Dieu peut ordonner n'importe quel bouleversement sur la terre pour que sa volonté ça. Et sa volonté va s'accomplir. Parce qu'aucune de ses paroles qu'il a dit ici dans la Bible ne peut tomber à terre, pas vrai? Nous avons lu aujourd'hui dans ce livre d'Osée au chapitre 6, verset 3, qu'il est censé arriver un esprit sur la terre, l'esprit vivifiant, appelé donc cette pluie de printemps. On a vu cela, frère? On a vu dans ce livre de Zacharie, chapitre 10, verset 1, qu'il a dit demander cette pluie de printemps-là. Cette pluie-là, de l'arrière-saison. Il a dit qu'on demande ça, n'est-ce pas? Cette pluie abondante. Il a dit cela. Il a appelé le premier, donc le premier c'était un peu glorieux. Le deuxième temps sera plus glorieux, n'est-ce pas? Plus de gloire que la première, c'est pas ça? Et puis il a dit que cet esprit qui vient là, ce sera plus terrible parce que la première était le premier. C'est pas ce qu'il a dit? Chacune de ces paroles doit s'accomplir. Chacune de ces paroles là, telle qu'il a dit, va s'accomplir. Comment? Comment on va faire maintenant alors que l'autre dit que je suis protestant, je suis. Avant qu'il ne dise qu'il va naître, il a dit que le Seigneur, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temps. Il a dit qu'il va entrer dans son temps. Il n'a pas dit qu'il va bouleverser les pharisiens ou quoi que ce soit. Il est venu, les pharisiens étaient là, il a avancé à faire. Les fils des pharisiens faisaient des miracles, chassaient les démons. Lui, il était au milieu, chassait son démon. C'est eux qui sont venus l'accuser que toi, tu fais par Bézébuth. Il dit que si il fait par Bézébuth, vous, vos fils, par qui font-ils? On a vu leurs fils, non? Dans Actes chapitre 19. C'est pas ça? On a dit que c'est le fils de Skeva, le souverain. Il chassait les démons, jusqu'à chasser les démons. Donc les deux vont aller en parallèle. Les deux vont aller en parallèle. Et puis ça va amener la persécution sur l'église. D'accord? Donc aucun miracle venant du côté de Dieu ne s'accomplit avec le désir humain. Même si vous aimez quelqu'un n'importe comment, si Dieu n'a pas ordonné sa guérison, vous ne pouvez rien. Mais la même main en termes de donne de guérison, que comment? Que lève-toi, quand il va relever, c'est toi qui vas l'attraper en l'air, en train de tomber. Il va aller s'asseoir là-bas parce qu'il faut que Dieu ait ordonné. Tous ceux qui travaillent dans le domaine prophétique, dans le domaine du miracle, savent ceci de façon inéluctable. Que pour que tu viennes accomplir le miracle, soit tu es sur la scène, le Saint-Esprit te porte là-bas pour aller guérir, soit avant d'arriver, tu as vu la personne qui doit être malade et être guérie. C'est comme ça que ça se passe. Vous suivez les bien-aimés? Préparons-nous donc. Les dons spirituels sont pour l'église. Il faut qu'on manifeste donc la sagesse de Dieu. L'infini varié, cette puissance variée là, ça doit se passer. Préparez-vous tout simplement. Demandez au Seigneur dans la prière, Seigneur, tout système humain en moi qui peut créer obstacle, daigne déconstruire cela et utilise-moi à ta guise. D'accord, frère? Tout système humain construit en moi déconstruis cela et utilise-moi à ta guise. Ces choses qui font obstacle, que Dieu nous vient nous en débarrasser. Ce sont des forteresses que nous-mêmes avons construites ou nous avons laissé construire au travers de nous. Quand vous lisez les saintes écritures et vous lisez les livres que les hommes ont écrits, et vous voyez, on commence à vous dire que 7 principes pour avoir être riche. 7, c'est ce que vous faites comme ça, vous êtes riche. Vous lisez ça, ça ne change pas. Ça vous dit, Dieu veut dire par là qu'il ne fait pas avec les bâtons magiques, il fait selon sa destinée, son dessein. Donc, ce n'est pas en lisant les livres que Dieu a révélé à quelqu'un qu'en faisant telle chose que vous allez lire, ça va marcher. Vous devez chercher à connaître distinctement ce que Dieu a en appel pour vous. C'est ce que chacun doit faire. Nous devons chercher la face du Seigneur. On va partager au-delà de ces enseignements sur un autre thème. Comment s'attendre au Seigneur. Comment s'attendre au Seigneur. Comment, lorsque nous sommes ici par exemple, nous attendons à ce que le Seigneur fasse quelque chose. Comment s'attendre au Seigneur. Comment? Donc, demandez au Seigneur de déconstruire tout système humain. Tout système humain. C'est un obstacle terrible. Ce sont des forteresses en nous qui créent obstacle à sa volonté et qui nous utilisent à sa guise. Gardez-vous à l'esprit ceci. C'est que, un, il n'y a pas d'église du Seigneur Jésus-Christ fonctionnant sur la terre sans la puissance du Saint-Esprit. Deux, il n'y a pas la prédication du royaume sans la puissance du Saint-Esprit accompagnant la prédication. Trois, tant qu'il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, la puissance de Dieu doit devoir se demeurer et y manifester. Gardez cela à l'esprit. Si quelqu'un vient dire que non, le temps de puissance est passé, il n'y aura plus jamais de miracle. Si on fait ça sur le démon, c'est lui qui est démon. D'accord? Parce que le royaume est accompagné par la puissance. Il dit, la Bible déclare dans ses livres des 1 Thessaloniciens que le royaume ne consiste pas en, mais avec. La volonté du Seigneur, c'est que l'Église soit richement rempli de l'esprit. La volonté du Seigneur, c'est que l'Église soit richement remplie de l'esprit de puissance, afin de manifester la gloire du royaume, les prémices, qu'on ait un flash de la vie du royaume. Chaque membre rempli du Saint-Esprit déconstruit et nettoie les systèmes humains. Et tout système humain comprendra directement que l'un n'est pas fait pour combattre l'autre, mais pour se soutenir mutuellement pour la cause du royaume. Regardez toutes nos religions que nous avons construites tout autour. Vous allez voir quelqu'un sur une même radio. Ou bien une même antenne de télévision, un apôtre qui vient prêcher une doctrine. Lorsqu'il finit son émission, parce qu'il monnaie et paye, sinon pas leur télévision ou bien leur radio, quand il finit l'émission d'après, c'est un autre apôtre qui vient prêcher une doctrine qui est contraire. Le premier dira qu'il a reçu la révélation de Dieu. Le deuxième dira qu'il a reçu la révélation. Une autre encore vient sortir une nouvelle doctrine qui est contraire des deux autres et tous sont apôtres. On doit admettre que quelque chose n'y va pas. Si ce n'est pas l'autre qui vient insulter l'autre qui vient dénigrer l'autre, alors c'est un autre maintenant qui vient faire comme ça pour dire. Après, chacun donne le numéro de son ministère en donnant le lieu où on est. Que si vous venez dans le ministère de restauration prophétique. Vous voyez les choses qui se trouvent là, n'est-ce pas? Frère William, vous disiez souvent quoi? Toi-même, tu disais souvent à la radio, non? Ah, religion quand tu ne tiens. C'est toi qui communiques souvent le numéro à la fin. On répétait, si c'était pour le numéro, on répétait plusieurs fois pour que les gens soient bien au courant. Tu étais chargé de prendre le contact des auditeurs. Et les suivre après l'émission. Quand, ça ne va pas du conseil qui vient au centre, le centre est à tel endroit, n'est-ce pas, frère? Mais le but de rechercher, c'était quoi, au juste? Quand, avec le recul. En fait, c'est que, comme le passé avait l'habitude de dire qu'il faut que l'église grandisse en membres. Donc, c'est évidemment, l'église aura besoin de participer. Donc, pour que l'œuvre de Dieu puisse croître. Donc, dans le but d'affaire de que les gens s'aiment davantage. Donc, ça, c'est des stratégies. Et quand je regarde, l'émission s'est arrêtée. Ça s'est arrêté. Brusquement. Brusquement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que ceux qui étaient comme les soutiens, quoi. Donc, financiers. Sponsors du ministère du radionique, du radiophonique. Ils ne sponsorisaient plus. Et malgré que le passé est. Ils prêchaient spécialement sur ça. Donc, les prédications sont sorties sur. Les gens faisaient des vœux. En fait, donc, ils étaient censés verser une certaine somme chaque fin du mois. Pour soutenir l'œuvre. Donc, malgré le fait qu'ils n'auraient même pas assez vu qu'ils faisaient. Oui. Bon, à un moment donné, on n'avait plus. Donc, il y avait même des moments où on devait à la radio. Parce qu'on. Vous avez les dettes à la radio. Oui. Après, le pasteur était fâché. Quand il a fini de rembourser les dettes, il n'y avait plus la possibilité de payer. De payer. Donc, les choses se sont arrêtées. Là, dès le départ de l'émission, la première émission, vous avez dit que c'est Dieu qui a suscité cette émission. Oui. L'émission à crédit. Dieu, sans tenir compte dans le temps d'ignorance, appelle tous les prédicateurs qu'ils aient assez en quelque lieu que ce soit. Parce que quand ça va avancer, si les prédicateurs d'antan, les caïfs et autres là-bas, qui étaient sacrificateurs cette année-là, avaient été dans la peau de Zacharie, l'un des souverains sacrificateurs à la naissance de Jean-Baptiste, ils devaient savoir que le premier souverain sacrificateur avait prophétisé que cet enfant est destiné à préparer les voies devant le Seigneur. Un souverain sacrificateur avait dit, celui-là était loin de l'Esprit de Dieu, il avait dit, si les suivants devraient consulter, mais qu'est-ce que le premier avait dit? Que l'enfant, si... qui était né. Et la Bible déclare que tout le monde s'est posé la question de que va devenir cet enfant. Et il a dit devant eux que tu es destiné à débrousser le chemin devant le Seigneur et préparer un peuple au cœur disposé. L'enfant est venu, il prépare le Seigneur, il dit que ce n'est pas moi, il arrive après moi. Quand il est venu, il dit, l'eau voici, les souverains sacrificateurs l'ont rejeté. Préparons-nous, de peur de rejeter le Seigneur sans nous en rendre compte. D'accord? Préparons-nous, que Dieu déconstruit en nous tout système humain construit en nous. Vous êtes passé n'importe où avec les différentes choses, là, vous avez construit des choses, même sans votre volonté. Vous avez mis des choses, acquis, pris des choses pour acquis qui ne sont pas de Dieu. Vous devez accepter simplement que le Saint-Esprit vous utilise. Ah, ma main bouge, ça peut être quoi? Mes yeux bougent, ça, quand je parlais de Jésus, deux minutes, mes yeux clignotent. Frère, ça peut être quoi? C'est le clignement des yeux, frère. Bonne soirée.